Alors bonjour tout le monde, bienvenue au sixième chapitre de Histoire de Gamer. Aujourd'hui avec moi, j'ai l'honneur d'accueillir la première gameuse de l'histoire de Histoire de Gamer. Elle a travaillé pour Monsieur Net. C'est une ancienne aussi collaboratrice pour Jouer.com qui a malheureusement cessé d'exister il y a quelques semaines. Elle écrit et elle fait aussi le podcast pour L'Épée légendaire, puis elle écrit pour Indice bohémien. Je vous présente Mélanie B. Chartier. Salut Mélanie! Salut Luc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui! Fait que Mélanie, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben ça fait plaisir! Puis en plus, t'es la première gameuse sur le show, ça commençait à être temps. Oui, c'est ça, j'ai stressé un peu quand t'as dit la première gameuse de l'histoire. J'étais comme non, là, mais en tout cas... Ben oui, ça en prenait une, puis j'ai décidé que ça serait toi. Ah, merci, c'est gentil. Puis t'as accepté, c'est encore plus le fun, sinon il aurait fallu que je trouve quelqu'un d'autre. Non, c'est correct. Donc, Mélanie, on va commencer par un peu ce que t'as fait avant, puis à la fin, comme d'habitude, on passe à l'histoire de jeux vidéo, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé, les consoles et tout ça. T'as travaillé à Monsieur Net déjà, t'étais monteuse pour le show de Monsieur Net à Musique Plus. Eh oui, pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, c'était quoi comme expérience, ça? Ben, c'était super intéressant. J'ai commencé, moi, en fait, j'étais arrivée à la deuxième année de Monsieur Net. Ça a commencé vraiment tranquillement parce qu'au début, le show était... le show a toujours été live, là, parce que ça, c'est toujours la première question qu'on pose quand je dis que j'ai été monteuse pour Monsieur Net. C'est quand oui, il y a du montage. C'est pas oui. Tout en direct. Ah oui, c'est pas un show live, ça. Il devrait pas avoir un montage dans un show live. C'est pas un show live, ça. Oui, c'est un show live. Mais il y a quand même une magie du montage qui doit se faire là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est ça, au début, ça a commencé juste par quelques heures de montage. C'était vraiment plus basic. Mais finalement, à la fin... Dans les dernières années, je te dirais, c'était quand même une job à temps plein. Là, je faisais mon 8 heures par jour sur l'émission Monsieur Net à monter les reportages que, justement, les gars allaient tourner un peu partout dans le monde, les festivals qu'ils couvraient et tout ça, les images de jeux pour les critiques, les images qui jouent en background. Non, c'est pas quelqu'un qui joue live en arrière au jeu que l'animateur est en train de critiquer. Il y a du montage à faire pour ça aussi. Fait que, puis des petites capsules aussi qui se tournaient dans l'émission. Puis c'était vraiment le fun. Ça m'a vraiment remis justement au goût du gaming, puis ça m'a mis aux nouvelles aussi, au parfum de ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, parce que j'ai beaucoup appris à travailler avec eux autres. Oui, ben c'est du monde qui ont de l'expérience, surtout Denis. Au début, c'était surtout Denis qui avait l'expérience de VJ là-bas. Ses collaborateurs étaient pas mal nouveaux. Il y a Claude Arson aussi qui fait une job incroyable depuis le début, là. Oui, ben Claude, c'était un des co-créateurs de l'émission aussi avec Denis, puis avec Denis Aubé aussi, le réalisateur à l'époque. Fait que non, c'était vraiment une petite équipe, mais qui ont vraiment réussi à bâtir quelque chose de très, très, très intéressant. Mm-hmm, puis qui ont fêté leur 2000e cette année. Tu dois être fier d'un côté, parce que tu étais là presque au début de l'émission. Tu dis que c'était dans la deuxième année, c'est presque au début, ça. Ah oui, hey, puis j'étais vraiment énervée pour eux autres, puis c'est quasiment un peu comme, encore aussi comme ma gang à moi, parce que quand ils ont tu sais, j'étais aussi fière qu'eux autres quand ils ont célébré leur 2000e émission, et j'étais triste de ne pas pouvoir être là, parce que moi, je l'écoutais chez nous à télé, puis je revoyais tout le monde, puis je revoyais plein d'anciens collaborateurs à Monsieur Net, tu sais, j'ai vu Félix Martineau, j'ai vu justement Denis Aubé, l'ancien réalisateur, je regardais Jean-Marie Jaulois, tu sais, des gens qui ont participé à l'émission, puis moi, j'ai regardé chez nous, j'étais comme, je vais être là, mais malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Mais c'était un peu loin. Était là sauf moi en plus, fait que c'est comme ah merde. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qui aurait été le fun, puis t'aurais mérité d'être là vu que t'avais participé, mais c'est pas à la porte là. Tu restes quand même un petit bout de chemin de là. Ben j'avais été invitée, j'avais reçu le courriel justement d'invitation, puis j'avais agacé justement Tristan, tu sais, qui m'avait invité, qui m'avait envoyé mon courriel. J'ai dit est-ce que Musique Plus ou Monsieur Net, j'ai payé mon billet d'avion aller-retour pour y aller. Il dit non. J'ai dit ah ben là, je peux pas y aller. C'est super plate, mais je suis allée justement une semaine ou deux avant voir la gang. Fait que... Ok, oh, c'est une belle gang. Ah, mais okay. Comment est-ce qu'on se ramasse à être monteuse à Musique Plus, à Monsieur Net? Tu t'es ramassé là comment? C'est-tu en sortant de l'école, tu avais suivi un cours de montage vidéo, des choses comme ça, puis tu as eu le travail là, ou tu as comme rentré là, puis tu as appris en travaillant là? Comment ça s'est passé? Non, moi, j'ai mon cours en art et technologie des médias à Jonquière. J'ai étudié en montage télévisuel. OK. Là-bas, puis pas tout à fait en sortant de l'école, mais presque. Là, je suis arrivée à Musique Plus parce que moi, j'étais vraiment une grosse tripeuse de musique. Puis, moi, j'écoutais Musique Plus chez nous tout le temps quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire. Fait que, tu sais, je connaissais déjà un peu la place puis tout ça. Puis c'était presque, pour moi, c'était quasiment quelque chose que je voulais faire dans la vie, c'était d'aller travailler à Musique Plus parce que c'est vraiment le domaine qui me fascinait au bout de travailler dans ce milieu-là. Fait que j'étais vraiment contente quand j'ai commencé à travailler là. Moi, j'ai commencé à travailler comme monteur. Fait que j'ai toujours été monteur là-bas. C'est toujours ce que j'ai fait. Mais je travaillais sur les émissions de musique. Je travaillais sur Fax 57. Fax, c'est des émissions d'information musicale. Moi, je me rappelle. Les anciens Info Plus. Après ça, tu sais, il y a eu comme eu plein de noms. Puis les derniers, je ne sais même plus comment ça s'appelle. En tout cas, bref. Puis, fait que je travaillais plus sur le côté musical de Musique Plus. C'est quand, après ça, on a déménagé les studios. On est parti du 209 Sainte-Catherine-Est au 355 Sainte-Catherine-Ouest. Qui est le studio Ça fait présent? vraiment longtemps, oui. Ouais. Qui sont les nouveaux studios de Musique Plus maintenant et qui sont tellement dans un meilleur quartier qu'avant. Bref. Ça, c'est une Oui, autre affaire. je me rappelle dans les premières années, j'étais déjà allé prendre une marche dans ce coin-là, c'était plus loin. Ah, c'est fou. Puis, tu sais, quand tu dis que j'étais jeune, j'étais dans le début vingtaine, puis que des fois, je travaillais de nuit, là, c'est un peu stressant. Ouais, Mais ça, c'est une autre histoire. c'est pas un très beau quartier à aller te promener seul, surtout si t'es une fille. Non, pas C'est un vraiment. fait. Disons Non. que je marchais beaucoup vite souvent. Quand je sortais de là à 2 h du matin. Mais en tout cas. mais c'est ça. Donc, quand on a déménagé dans les nouveaux studios, j'ai commencé à travailler ben, comme monteur aussi. J'ai passé de l'analogique au numérique aussi. J'ai vraiment vécu les deux époques. OK. Ça ne me rajeunit pas. Mais c'était tellement différent, c'était tellement le fun. Puis Monsieur Net est arrivé justement après parce que le monteur qui travaillait là-dessus a été assigné sur une autre émission. Fait que là, l'émission était disponible. Fait que t'sais, par défaut, c'est moi qui ai choisi parce que c'est moi qui étais libre à ce moment-là pour travailler sur l'émission. Fait que ça a vraiment été un accident, là. C'est pas quelque chose qu'on voulait faire. Ben, t'sais, c'est pas quelque chose qu'on nous a demandé. Bref, en tout cas, j'ai pas été demandée pour travailler sur l'émission, mais ça OK. a vraiment créé une belle chimie. Ça a vraiment créé quelque chose de le fun, puis c'est devenu mes amis, vraiment. Fait qu'on communique souvent ensemble, puis c'est vraiment une belle équipe. C'est une famille. Ouais, ben Je les aime. c'est Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est vrai. Ben j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer souvent, mais juste à les rencontrer de temps en temps, puis à voir quel genre de personnes qu'ils sont, je peux croire que tu t'es attaché à eux autres parce qu'ils sont super simples dans le bon sens du terme, là. Tu sais, sont gentils, c'est comme du monde ordinaire, là. Je veux dire, ils se prennent pas Ben, pour c'est d'autres. du monde C'est ordinaire, ça, mais c'est tu sais, ça, je du veux monde dire, ordinaire. mais non, mais tu sais, sont connus, ils ont quand même un following assez incroyable à la télévision, vous affaires. T'sais, tout le monde qui est un peu dans la culture geek au Québec connaît probablement l'émission de Monsieur Net à Musique Plus. Fait que Denis il est connu, puis t'sais, je veux dire, mais il est resté super simple, il est resté un gars bien ordinaire, là, il se prend pas pour une vedette parce qu'il est connu tant que ça, là. Ah ben non, pas du tout, pas du tout. Puis je pense que ça serait à son désavantage aussi parce que pour faire une émission aussi populaire que Monsieur Net, t'as pas le choix d'être proche de tes fans, de ton public aussi en fait. Fait que ça, c'est vraiment un avantage qu'ils ont su garder justement au fil des années. Je suis vraiment habituée de parler de jeux vidéo, on dirait. Puis ça, ben, c'est vraiment leur avantage aussi. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ils ont duré pendant 2000 émissions et plus maintenant. Ouais, puis on espère encore en tant que fan un autre 2000. Ah oui. Au moins. Mais ça prend de l'énergie aussi. Ça prend beaucoup de. Oui, C'est beaucoup c'est beaucoup de. de jus de bras, comme on dit. C'est vraiment beaucoup de travail. Ouais, puis avec des émissions d'1 heure à cette heure, ça va être encore plus de travail. Oui, j'ai entendu ça, puis honnêtement, je sais, ben non, c'est pas vrai. Je peux pas dire, je sais pas comment ils vont faire, là. Ils vont y arriver, c'est certain, mais ils vont avoir besoin d'avoir beaucoup plus de monde qu'ils ont présentement parce que c'est de la job. Tu sais, moi, je travaillais sur Monsieur Net, je travaillais 8 heures par jour juste à justement réaliser, monter l'émission de 30 minutes. On a fait des fois l'occasion, on avait fait des spéciales d'1 heure, mais c'était long. C'était long. C'est vraiment, ça va prendre presque le double des gens qui travaillent déjà sur cette émission-là à temps plein. Et là, je parle vraiment de la petite équipe, justement, de Claude Arson, Denis, le réalisateur Momo, Tristan, qui sont vraiment le noyau de Monsieur Net, qui sont là tout le temps. C'est leur travail à temps plein. C'est pas juste des chroniqueurs qui viennent ici et là. Non, c'est ça. C'est de la job en tabarouette. Non, oh, oui, je le souhaite bonne chance, mais oh, je suis tellement content que ça va être des émissions d'une heure. Ah, ben tout le J'étais monde un des l'attend, là. premiers, tu sais, à dire, ah, une demi-heure, me semble c'est pas long. Tu commences à embarquer dans le show, puis c'est fini. Mais ça passe vite. Puis une demi-heure à télé, on s'entend qu'en réalité, tu sais, à cause des publicités, puis tout ça, c'est à peu près 24 minutes, 25 minutes. Ouais. C'est rapide, c'est rapide. Puis comme beaucoup de chroniqueurs le disaient, Bruno le dit souvent quand il fait des critiques de jeu à Monsieur Net, il dit, lui, il est obligé de faire une critique en quoi? 3 minutes, 3 minutes et demie. C'est pas beaucoup pour dire ce que tu as à dire sur un jeu vidéo. Fait que peut-être que là aussi, ils vont être capables de rallonger un petit peu justement les interventions de chacun. Ouais. Puis ça, c'est juste le fun aussi, parler d'un jeu. Je veux dire, on peut toujours en parler pendant quasiment de façon, tu sais, plein de minutes, plein de temps, puis tout ça. Fait que ça va leur donner cette occasion-là aussi. Mais c'est un peu pourquoi ces gars-là partent leur podcast. Bruno, il y a Rétro Nouveau. Tu sais, Denis, il y a Radio Talbot. Puis Ouais. ils adorent ça parce que là, ils ont pas de contraintes. C'est un peu comme vous autres sur l'épée ou nous autres sur CJUAP. On veut passer 20 minutes à parler. On a passé, je pense, 45 minutes, une heure à parler de Diablo 3 l'autre fois. T'sais. Puis, Ben, c'est ça. je veux dire, tu peux parce que t'as pas de contraintes. T'as pas à mettre une pub à chaque, t'sais, 15 minutes de show. Chaque 10 minutes de show, t'as pas de pub à mettre. T'as rien à. T'as pas de contraintes. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi. Mais, tu sais, à l'inverse, des fois, parce que moi, des fois, je me suis fait chicaner, juste une fois, par Maxime Tremblay sur l'épée légendaire, parce que je parlais d'un jeu, justement, qui m'avait profondément déçu, j'avais détesté. Mais on dirait que j'arrêtais pas. OK. À un moment donné, je recevais un petit message là, dans Skype pour dire, Mélanie, OK, garde, on a compris que tu l'aimes pas, ce jeu-là, essaye de passer à d'autres choses, s'il te Bonbon, Max qui fait son petit boss. Non, mais je le comprends. Tu sais, pour un Ouais. bon coup, c'est le fun d'en parler longtemps, mais tu sais, pour un jeu qui nous a déçus puis qu'on trouve juste mauvais, je peux comprendre qu'à un moment donné, après 7-8 minutes, on pourrait passer à d'autres choses, là. Tu sais, comme, t'es pas obligé d'insister sur le fait que le jeu est poche. Non, mais tu sais, mais quand ça te pique au vif, puis tu as l'impression d'avoir perdu, je sais pas, 4, 5, 6 heures de ta vie à jouer à ce jeu-là, puis c'est du temps que tu sais que tu reverras jamais, tu sais. Non, mais il faut Je peux penser comprendre. aux auditeurs aussi, là, tu sais, peut-être qu'ils disent, OK, c'est correct, regarde, on a compris que tu l'aimes pas, qu'il est pas bon, là, c'est correct. Pense à quelque chose que t'aimes. Mais ça sort tout seul, évidemment, c'est Ben, ça. c'est ça. Ben, c'est la beauté de pouvoir s'exprimer, là, sinon, à un moment donné, tu sais. C'est pas comme on était dans les vieilles années où ce que le seul temps que tu pouvais savoir qu'un jeu était pourri, c'est quand t'achetais ta copie de Nintendo Power qui était un mois en retard de la date de sortie du jeu, puis que là tout le monde disait ah non, finalement c'est pas tellement bon. Ah, Ouais, je l'ai c'est ça. acheté. Ou tu disais d'une certaine stratégie, tu pouvais aller le louer avant. Souvent, c'est ça qui était le fun aussi à ce moment-là. On pouvait souvent louer des jeux. Ou tu attendais que ton ami l'aille acheter pour savoir qu'est-ce que lui en pensait avant de décider de toi de l'acheter. Ouais, ou y emprunter parce qu'il avait détesté. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait que t'as fait Monsieur Net. T'as aussi écrit pour Jouer.com, qui malheureusement a été fermé par Rogers v'là quelques semaines. Ouais, j'ai écrit pendant à peu près 3 ans sur Jouer.com. Puis ça, c'est drôle comment ça a commencé parce que j'avais vu une annonce justement. Ben moi, je les lisais souvent les critiques sur Jouer.com. Puis à un moment donné, il y avait eu une annonce qui avait été publiée qui cherchait des nouveaux évaluateurs, des nouveaux chroniqueurs pour jouer. Puis à ce moment-là, moi, je travaillais déjà sur Monsieur Net et ça me tentait d'écrire. Vraiment, je trouvais ça. Je venais juste d'acheter ma Nintendo DS, non, DS, ma DS Lite. Puis, je recommençais vraiment à revenir à jouer. J'ai recommencé à triper sur les jeux vidéo et tout ça. Puis, j'avais le goût d'écrire là-dessus, mais je savais pas, à cause que je travaillais sur Monsieur Net, si. Ben, pas si j'avais le droit de le faire. Moi, je pense que oui, là, mais je veux dire. Comment ça aurait été perçu par, un, l'équipe de Monsieur Net, tu sais, étant donné que j'avais beaucoup appris sur les jeux à cause d'eux autres ou grâce à eux autres, et par Jouer.com, quand j'ai appliqué, je leur ai pas dit pantoute que je travaillais sur Monsieur Net. Je me suis vraiment présentée comme juste Mélanie Boutin-Chartier, gamers, je veux écrire sur votre site. Et en tout cas, j'avais appliqué et tout ça. Ça a pris quasiment un an avant que justement le rédacteur en chef apprenne que je travaillais sur Monsieur Net. Parce que je voulais pas utiliser ça pour qu'il me prenne. Tu comprends? Ouais, ce qui est correct aussi. C'est ça. Et à l'inverse, j'ai attendu d'être acceptée avant de le dire à l'équipe de Monsieur Net que j'allais écrire sur Jo.com. Fait que j'ai vraiment fait ça en secret. Faites ça en douce. Oui. Puis comment est-ce qu'ils ont réagi? J'imagine qu'ils étaient. Ben non, c'était correct. Qu'ils étaient contents pour toi. Puis ils disent, oh, c'est, oui, c'est ça. Mais tu sais, je les avais avertis. J'ai dit, garde, là, j'ai commencé à écrire sur jeu.com. J'ai dit, de un, tu sais, comment vous réagissez à ça? Êtes-vous, ben, ça vous dérange-tu? Pensez-vous? Parce que tu sais, je voulais pas non plus utiliser certaines informations, ben, entre guillemets, privilégiées que j'apprends à M. Net, parce que comme monteur, tu sais, on sait tout d'avance. Je veux dire, bon, c'est moi qui ai les tapes originales de tout ce qui enregistre. Ouais. Mais moi, je voulais pas utiliser ça non plus. Puis je veux dire, pour une critique de jeu, ça sert pas. Ça me sert juste à créer un bagage historique de certaines franchises sur lesquelles on peut parler probablement et tout. Mais je veux dire, j'ai pas essayé d'utiliser rien là-dessus. Mais je voulais quand même être transparente face à eux autres en leur disant « Je veux écrire des critiques sur jeu.com. » Fait que je voulais juste être sûre que tout le monde est à l'aise là-dedans aussi. Sauf que j'ai agi par après quand même. Okay. Je voulais être sûre d'avoir la job avant. C'est correct. Mais j'ai aimé ça faire des critiques de jeu. Puis ça m'a permis d'apprendre à essayer des titres auxquels j'aurais pas pensé au départ. J'ai fait des belles découvertes là-dessus. J'ai eu des belles surprises, des mauvaises surprises aussi, parce qu'évidemment, c'est pas nous autres qui décidons tout le temps ce qu'on décide d'évaluer. Tu sais, on prend ce qu'ils nous envoient. Mais ça m'a permis d'élargir mon éventail aussi, d'essayer des nouvelles affaires, des nouveaux types de jeux. Je me suis mis à aimer les shooters depuis ce temps-là aussi, parce qu'avant, je touchais pas à ça. OK. Ouais, c'est fait bien. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça le fun, là, d'avoir, tu sais, c'est quasiment une petite job, là. OK, t'as une mission, là. Tu sais, c'est comme Mélanie, on te donne ce jeu-là à faire, go, tu sais. Joue-le, écris une critique dessus, puis. Ouais, c'est ça. Ça t'est arrivé que tu recevais des jeux vraiment que c'est pas ton style du tout, ou c'était quand même pas pire, tu sais, c'était quand il essayait quand même d'aller dans ton style de jeu, où c'était pas du tout prévu d'avance. Il disait, bon, on reçoit 4 jeux, c'est ce jeu-là que j'envoie à Mélanie, puis elle va me faire une critique. Puis même si, mettons, un RTS comme Command & Conquer, si t'aimais pas ça, il te le donnait pareil, ou... Non, pas du tout, parce que au nombre de personnes qu'il y avait pour jeu.com, on était quand même une trentaine d'évaluateurs au total. Le rédacteur en chef, François, lui, il s'assurait justement de donner, tu sais, il nous avait fait remplir un genre de petit formulaire au début pour connaître nos goûts, savoir ce qu'on aimait, ce qui nous intéressait, puis y aller avec ça. Okay. Ou justement, puis connaître un peu notre historique aussi de joueurs pour être sûr de nous envoyer quelque chose qu'on va être capable d'évaluer, d'être en mesure d'évaluer, puis d'être en mesure aussi de comparer avec quelque chose de similaire, parce qu'on aime ce type de jeu-là. Moi, j'aurais pas fait justement Command & Conquer ou même Diablo, je me serais jamais lancé là-dedans. Je veux dire, j'aurais eu l'impression d'être envoyé dans la fosse aux lions où tout le monde attend ma critique impatiemment, puis moi, je suis comme la petite nouvelle dans Diablo parce que j'y ai jamais joué, puis c'est comme, OK, regarde, moi, je pense ça, puis faites ce que vous voulez avec. Ta critique s'en vient-tu, Mélanie? C'est parce que je suis encore en train de préparer mon personnage. Ouais, c'est ça. Ça fait 15 ans. Je comprends rien. Tu sais, c'est pour ça que l'épisode de Diablo de l'épée, que t'étais pas dessus. Parce que t'es pas une joueuse de Diablo et c'est pas le genre de jeu qui t'intéresse. Ben, c'est pas que c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse, c'est que j'ai jamais joué à la franchise de Diablo. Puis le jeu, je l'ai pas acheté. Ça m'intéressait pas de l'acheter de toute façon. J'aime autant. Puis tous les gars, ils ont joué sur les PNOE. Puis ça m'a vraiment surprise, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde l'a acheté. Fait que aussi bien de laisser parler ceux qui ont joué puis ceux auxquels le jeu intéresse, ouais, que moi, où je savais de toute façon que j'allais pas l'acheter puis qui m'intéressait pas autant que d'autres jeux qui sortent dernièrement, que regarde, moi je laisse la place à d'autres. Dans ce temps-là, je m'efface. Puis c'est mieux comme ça, je pense. Parce que quand un titre t'intéresse pas nécessairement, il y a tellement d'autres titres à critiquer à la place. Ben, il y en a tellement des jeux vidéo, ça n'a juste pas de bon sens. Chaque semaine, il y a tout le temps plein de jeux qui sortent. Je veux dire, on peut pas tout faire non plus. Puis c'est certain que c'est pas tout qui nous intéresse. Non, c'est ça. Puis tu n'essaieras pas nécessairement de critiquer un jeu poche parce que tu sais qu'il va être poche. Normalement, t'essaies de jouer un jeu qui va t'intéresser. Ben, c'est encore drôle, ça, ce que tu dis, parce que des fois, il y a toujours certains jeux poches qu'on sait qu'ils vont être poches, mais il y a tellement une aura autour de ce jeu-là qu'on veut l'essayer pareil. Okay. Juste pour savoir c'est quoi. J'ai testé Duke Nukem Forever. Ouais, moi aussi. Fait que, tu sais, je peux pas dire que, tu sais, on s'attendait à ce que le jeu soit vraiment mauvais, mais il y a tellement, tu sais, le monde l'attendait tellement, il y avait tellement pas une gimmick, mais il y avait un vibe autour. Un hype, là, il y avait une un hype déjà. Attente, là, ouais. Oui, c'est ça. Puis tout le monde s'attendait à ce que ce soit la pire marde du monde. Mais il y avait tellement. Tu sais, il y avait. C'était un événement, la sortie de ce jeu-là, de Duke Nukem Forever. Fait que j'ai dit, faut que je l'essaye pareil. Tu sais, je dis, je peux pas ne pas l'essayer, celui-là. Puis je l'ai fait, puis je l'ai testé. Et j'en ai fait la critique aussi. Et puis finalement, je m'attendais tellement à la pire merde du monde que j'ai fini par réussir, malgré mes frustrations, parce que. Je mourais souvent, puis je veux dire, j'avais l'impression de mourir plus souvent, puis de télécharger plus souvent le jeu que ce que j'ai joué finalement. Mais j'ai quand même réussi à me faire un peu de fun avec. Ok, ouais. Malgré. Les temps de chargement étaient incroyablement longs là-dedans. C'est vrai. À chaque fois que tu mourais, c'était comme presque une minute avant que tu puisses recommencer à jouer, là. Ouais, ben je pense que c'était juste ça qui était frustrant, parce que si ça avait pas été de ça, il aurait probablement été mieux coté. C'est vraiment ça, je pense, qui l'a tué. Ouais, peut-être. Peut-être. Ça aussi, le fait que c'était tout comme des. T'sais, des affaires de. Tu regardes le jeu, tu sais, ouais, bienvenue en 1990, là, t'sais, des styles de gameplay où tu conduisais la petite auto, puis après ça tu retirais, puis après ça t'es les jeux de plateforme mal faits, puis t'sais, la partie de plateforme mal faite, où ce qu'il fallait pas que tu tombes dans l'eau, là, parce que tu mourais, c'était électrifié, là. Quelque chose. Ouais, mais tu sais, à quelque part, Duke Nukem, le personnage de Duke Nukem, c'est un personnage, on dirait, qui a gelé dans les années 80 aussi, là. Oui, sa mentalité Je est veux dire, restée là. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme un vieux Arnold Schwarzenegger mélangé avec Sylvester Stallone, mais dans le temps de Rambo, puis dans le temps de, je sais plus quoi, tu sais, Terminator, tu sais. Bref, en tout cas, tu sais, puis ou des comédies poches de Arnold Schwarzenegger qui faisait dans les années 80, je veux dire. Il est resté confiné dans cette coquille-là. Si je parle juste du personnage et de son esprit, de la façon qu'il agit avec les femmes qui sont toutes des femmes objets, puis tout ça. Fait qu'on dirait que même si le graphisme était daté, même si le gameplay était passé date, on dirait que ça fitait avec le personnage. Fait que moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, parce qu'on dirait que ça faisait un tout, Ouais. malgré tout. Non, je comprends. C'est juste un style d'humour qui est comme plus de son temps. Tu sais, ça, Non, non. c'est plus d'aujourd'hui, là. Non, non, Je pas veux du tout. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il faut avoir vécu cette époque-là pour comprendre. Tu sais, un jeune de 13, 14 ans maintenant, ou en tout cas, bref, Duke Nukem, OK, 17 ans, 18 ans. C'est ça. Mais ça reste Mais qu'il faut lui, il qu'on a en pas connu parle, tu sais. l'époque. Ouais, mais il a pas connu l'époque des années 80. Fait que peut-être que lui, il a pas catché, tu sais. Mais moi, je l'ai pris comme un vieux nouveau jeu. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bon, ouais. C'est comme les remakes HD Ouais, des tu sais, c'est une vieux façon jeux à Star. d'aborder, c'est ça. Je pense que c'est une façon d'aborder les choses, mais moi, je l'ai abordé de ce côté-là, de cet angle-là, puis c'est peut-être pour ça que je l'ai toujours un peu plus défendu que tout le monde, malgré son temps de chargement incroyable, mais ça, c'est ça. Mais Bref. dans le temps, on loadait d'une disquette, je veux dire, c'était aussi long. C'est juste qu'on est gâté à cette heure, les temps de chargement sont moins longs sur nos jeux. Même il y a des jeux que le chargement est fait en arrière-plan pendant que tu joues, fait que tu vois même pas de temps de chargement, là. Non, Mais c'est vrai, c'est tu sais, mais vrai. dans le temps, juste je me rappelle d'entendre mon Commodore 64 juste commencer à jouer à un jeu, le temps de le loader, ça prenait déjà une couple de minutes. Fait Ouais, que à cette heure, on est gâté. on oublie complètement ces affaires-là. Puis même quand on essaie ou on installe un nouveau jeu sur nos consoles, tu oublies les certaines affaires qui t'irritaient même il y a un mois. Parce que t'es vraiment passé à d'autres choses, puis ton cerveau s'est vraiment fermé, puis là, il est comme tout neuf encore sur la nouvelle patente, puis c'est comme quand tu reviens après, tu dis, ah oui, c'est vrai, il y avait ça, là. Mais tu sais, tu y penses plus quand tu commences une nouvelle affaire. Ben, c'est ça, t'es focusé sur le moment présent. Ouais, c'est ça, voilà. Fait que jouer.com, vous avez appris ça comment, vous autres, que ça fermait? Ça a-tu été un. Ben, c'est sûr, vous autres, vous n'étiez pas des employés rémunérés, vous envoyiez des jeux à critiquer, puis c'était pas mal ça que vous faisiez. Mais Ouais, comment mais on t'as n'était appris pas, ça? ouais, c'est ça, on n'était pas des employés officiels. Je veux dire, on n'était pas sur le payroll non C'est plus, là, ça. t'sais. Fait que nous autres, on était, comme tu dis, on était juste comme des blogueurs associés ou je sais pas comment qu'on peut appeler ça. Mais on l'a appris sur Twitter, comme tout le monde. Ça s'est fait un peu, un Mais je veux peu, dire, ça a été ouais, mais un je peu pense pour les bête, là. employés, ouais, c'est ça, pour les employés réguliers, je pense que ça a été une grosse claque d'en face négative. Mais je veux dire, moi, personnellement, de mon côté, j'aurais pas pu l'apprendre autrement parce que je veux dire, je faisais pas partie de l'équipe dejouer.com ou de branchez-vous officiel. Ouais. Enfin, moi, je l'aurais appris de mon rédacteur en chef, de François, de toute façon, Ouais, mais cette ça aurait pu se faire pratique-là. autrement, là. Je veux dire, Rogers Oui, aurait pu c'est ça. envoyer une lettre officielle à François et dire, regarde, à partir de telle date, on ferme le site, on plus de nouvelles critiques à partir de telle date, on donne, mettons, 48 heures pour l'apprendre à aux employés, à tes blogueurs, collaborateurs, puis après ça, on va sortir l'annonce et non pas l'annoncer à tout le monde, Ah, dont à François sur Twitter. ben c'est ça, c'est plus pour lui que je trouve ça plate. T'sais, je veux dire, moi, personnellement, c'est normal que je l'aie appris comme ça. Mais que François l'ait appris sur Twitter, ça, c'est une autre histoire. C'est ça, c'est un peu comme pas avoir de respect pour quelqu'un qui a travaillé pour cette compagnie-là ou pour ce site-là pendant des années, là. Puis qui donne son 100% tout le temps. Puis là, tu te ramasses à le savoir comme de public régulier que le site que tu t'aimais visiter n'existera plus, mais toi, c'est le site pour lequel tu travaillais qui n'existera Ben plus. oui. C'est un peu bête. Je pense que ça va mettre une petite tache noire dans le dossier à Rogers pour de la manière qu'ils ont géré ça, là, mais on verra ça dans le futur. Ouais, on sent le futur parce que comme n'importe quoi, je veux dire, on oublie. C'est niaiseux à dire, là, mais on se rappellera plus. Il va arriver vraiment un autre événement qui va faire que, ah oh, oui, c'est vrai, c'est arrivé comme ça. Mais tu sais, on va passer à d'autres choses. Donc, c'est plate à dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Ouais, un peu comme ça. Après ça, pendant que tu étais pour jouer, t'as commencé premièrement à podcaster puis à écrire pour l'Under-K, ou Ouais. avec notre ami à tous, Maxime Tremblay, qu'on salue. Là, Maxime, faut que tu me donnes une cote, là, parce que je t'ai plugué sur la plupart des histoires de gamers, fait que j'attends mon chèque. C'est vrai qu'il est partout, hein? C'est parce qu'on l'aime, Max. Il est super fin. Puis c'est un peu, pour moi, Max, c'est un peu comme Dom, là. C'est deux gars que j'ai appris en faisant du podcast. Puis j'ai comme accroché avec eux autres. C'est comme, ils sont tellement fins, ils sont tout le temps, tu sais, on jase, on se fait du fun sur Twitter ou, tu sais, par DM. Fait que c'est comme tellement le fun de les connaître. Fait que c'est deux gars que j'ai appris à ben gros apprécier en faisant du podcast, en étant sur Twitter, là. Mais, tu sais, Max, il est tellement fin. Puis, fait que Ouais. c'est ça. Mais j'attends mon chèque pareil, moi. C'est ça, le message est passé. Fait que t'as commencé sur l'Under-K. Tu me parlais un peu tantôt hors d'onde que t'as rencontré Max à travers Jouer pour une critique que tu faisais, que lui avait faite la version précédente, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça parce que on était ben, tous les deux, on écrivait sur jouer.com, on faisait des critiques de jeux. Puis moi, je faisais une critique sur Jouer à propos de SingStar Dance sur PlayStation 3, qui est vraiment une exclusivité parce que SingStar appartient, je pense, à Sony. Oui, il me Puis semble que lui, je oui. me souviens qu'il avait fait tous les autres jeux de SingStar sur jouer.com. Parce que souvent, quand je commence une critique et je sais que c'est pas le premier jeu, je vais toujours faire une petite recherche pour savoir qui a évalué les jeux précédents. Parce que des fois, ça m'aide ou ça me donne des renseignements sur l'histoire du jeu ou de la franchise, puis tout ça. Fait que OK. ça, c'est petite recherche que je fais quand je fais une évaluation. Puis je me suis rendu compte que lui, ils avaient fait peut-être pas tous, mais il en avait fait plusieurs. Fait que je l'avais contacté par courriel. Puis il y avait une section dans SingStar plus Dance, c'est qu'il reprenait certaines vieilles chansons des anciens SingStar pour mettre dans le jeu. Puis que là, il ajoutait une chorégraphie parce que ça, c'était nouveau. Puis c'était comme la grosse affaire. Mais à ce moment-là, tous les jeux avaient leur version danse. Ouais. Puis, fait que je voulais essayer de justement le mode versus le mode coop. Fait que j'avais envoyé un courriel pour savoir si ça tentait de chanter avec moi en duo. Y a-tu des Fait vidéos, des enregistrements de ça à quelque part? que non. Oh, c'est plate. Fait que je voulais faire des tests et puis tout ça parce que j'essaye souvent de tester toutes les possibilités d'un jeu puis tous les menus quand je fais une évaluation. Fait qu'on a vraiment pris contact comme ça la première fois. Fait que c'était quand même assez cocasse comme expérience, mais je veux dire, il y a qui n'essaie rien n'a rien dans la vie. Fait qu'après ça, on s'est mis à se suivre sur Twitter, à savoir qu'est-ce qu'on faisait un puis l'autre. Et Maxime a su que je m'étais acheté un iPod Touch et que je tripais parce que j'essayais plein de jeux là-dessus, puis je téléchargeais plein d'affaires, puis c'était comme ma nouvelle bébelle que je trouvais merveilleuse. Fait qu'il m'avait approché sur l'N2K parce que lui, il faisait des critiques de jeux, mais il cherchait quelqu'un pour faire les jeux mobiles. Fait Puis étant donné qu'il voyait que je tripais tellement sur mon iPod Touch, il m'a demandé si ça me tentait de faire des critiques sur les applications mobiles. Et j'ai dit oui. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. OK. Fait que ça, c'était avec l'Anderka. Ouais. Après ça, Max a décidé de partir l'épée légendaire, puis tu l'as suivi. Oui, parce que quand il a quitté l'N2K, il a toujours eu la question à savoir est-ce qu'on reste avec l'N2K ou est-ce que je suis Max sur l'épée. Mais je veux dire, moi, c'est Maxime que je connaissais plus, fait que je l'ai suivi lui. Pas parce que je détestais les autres gars, c'est juste que je les connaissais pas Ouais. autant. Non, c'est des bons gars. On Ben non. jase aussi. Ouais, c'est des gars super gentils aussi, Oui, c'est ça. Puis Mathieu, pauvre lui, tu sais, il est toujours mis dehors de tout ce qu'il fait. Fait que là. Il on se fait l'aime, mais on le réengager, puis... réengage. Fait que c'est ça. C'est ça. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé de suivre Maxime sur l'épée légendaire et je le regrette pas du tout parce que jusqu'ici, ça va quand même super bien notre affaire. Ouais, ben c'est On est un... bien content. Vous avez une belle gang, vous avez un beau podcast, vous avez un Ouais. super beau site. Puis vous Ben oui, mais avez... ça, c'est toute la création de Maxime, là. Je veux dire, les efforts qu'il met là-dessus, là, c'est incroyable. Ouais, c'est son bébé. Puis on le voyait en partant... je sais quand il est parti de l'Enderka, puis il avait parti l'épée légendaire, il avait l'air nerveux au début, il avait l'air, tu sais, pas être sûr que ça marcherait ou je sais pas trop, mais tu sais, il partait, mais c'est dur à commencer aussi un site, mais tu voyais qu'il voulait que ça réussisse. Mais on est Puis, parti de rien aussi, ouais, je veux puis... dire. Chapeau, là, après, ça va. Ça fait un an, vous autres, que vous êtes à l'épée? Ça va-tu faire un an ou Ça ça a va fait faire un an? un an à la fin du mois, à la C'est fin ça. juin. C'est ça. Puis, ça va super bien. Je veux dire, vous êtes bien cotés. Vous avez. T'sais, tout le monde parle de vous autres parce que c'est vraiment un podcast qui est bien monté. Votre site est bien monté. Vos collaborateurs sont super bons. Puis, Ben merci. j'enlève rien aux autres, là, mais je veux dire, t'sais, vous autres aussi, vous avez une belle gang. Puis, c'est un des podcasts qui est incontournable pour moi. C'est vous autres. Puis Facteur Geek, c'est sûr, l'analyse des geeks, puis Radio Talbot, là, mais vous êtes dans mes quatre incontournables. Ah, ben c'est gentil. Mais on essaie aussi d'être, tu sais, comme il y a quelqu'un qui nous avait dit, puis j'avais trouvé ça intéressant de la façon qu'il dit, le plus professionnel des sites amateurs ou quelque chose comme ça, tu sais. Fait que j'avais trouvé ça intéressant de la façon qu'il l'avait approché, mais c'est qu'on, tu sais, on se force vraiment, tu sais, on travaille vraiment fort pour faire quelque chose de, tu sais, de plus professionnel possible, même si pour nous autres, c'est un blog. Malheureusement, on n'a pas de commandite là-dessus, ni rien. Fait que c'est vraiment sur nos temps à nous. Puis de choisir aussi les bonnes personnes pour travailler avec nous autres. Là, on a recruté des gens pour écrire les nouvelles sur le site. Je veux dire, c'est des gars incroyables qui travaillent hyper fort, qui écrivent. On envoie souvent des suggestions de nouvelles, des sujets où ils trouvent eux-mêmes, puis ils écrivent super bien, les gars, puis je suis vraiment contente d'eux autres. Puis on essaie d'avoir des gens aussi assez diversifiés dans les intérêts pour essayer de couvrir le plus de choses possible. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi à ce niveau-là, tu sais, qu'on parle pas juste d'une affaire ou d'un style de jeu, parce que des styles de jeu, il y en a plein dans la vie. Bon, oui, c'est ça, mais ça couvre un peu plus comme Max dit la geekitude, là. Vous couvrez les bandes dessinées aussi un peu, vous couvrez les jeux vidéo, vous couvrez la technologie, tu sais, fait que Ouais. vous ouvrez ça plus large, fait que ça intéresse plus de monde différent aussi. C'est sûr que la plupart du monde qui vous écoute, faut qu'il aime les jeux vidéo, là, parce que c'est quand même la plus grosse partie du podcast, c'est les jeux vidéo, mais vous avez votre technologie, vos nouvelles, il y avait les bandes dessinées aussi de temps en temps. Fait que, je veux dire, ça rouvre plus large, puis ça intéresse plus de monde. Puis aussi, ça va faire connaître des choses au monde que les gens connaissaient peut-être pas avant, comme les bandes dessinées. Quand tu commences, ça peut devenir un hobby assez intéressant, là. Oui, et assez dur sur le portefeuille si on décide de s'investir là-dedans, mais comme n'importe quelle autre passion qu'on peut développer aussi en même temps. Ouais, faut-tu choisir à un moment donné, mais t'es pas Oui. obligé de tout lire, juste à ramasser, t'sais, si t'aimes Batman, tu ramasses la série de Batman, si t'aimes les Avengers, tu ramasses la série des Avengers, t'es pas obligé de nécessairement tout lire, t'sais, c'est comme les jeux vidéo, le monde sont pas obligés de tout acheter non plus, Ah fait ben que non, il faut pas non plus, là. Je veux dire, on va virer fou si on se met à tout essayer. s'il fallait, oui, si on aurait Ben, l'argent au moins pour le faire. il faut continuer à travailler aussi dans la vie. Fait que je veux dire, c'est sûr que tu sais, ça reste un loisir, ça reste un hobby. Fait que je veux dire, faut faire ça de manière saine aussi, moi je pense. Faut pas virer fou avec ça et décider de faire juste ça. Je veux dire, on a une famille, des amis, une job. Faut essayer de rester le plus lucide possible là-dedans, même si c'est quelque chose qui nous fait triper, même si c'est une passion. Ça reste un divertissement, en Ouais, quelque c'est part ça. aussi. Puis aller faire un tour dehors l'été, c'est super le fun. Ben là, c'est ça. Faut griller un peu des fois, là. Faut pogner une couple de coups de soleil puis des piqûres de moustiques, là. Ouais, c'est ça. Ouais, une piqûre de moustique, tu dois connaître ça. Ah, oui, je suis bonne là-dedans. Fait que t'as l'épée légendaire, t'écris aussi pour Indice bohémien. Bon, pour ouais. Le trois quarts du monde qui vont écouter, ça leur dira absolument rien parce que c'est un journal qui est de ton coin surtout. Oui, ben c'est un journal culturel qui en est à sa troisième année déjà d'existence. C'est un journal culturel gratuit. C'est un peu l'équivalent, ben, tu sais, les gens vont reconnaître Le Voir. Mm-hmm. C'est vraiment l'équivalent de ça, mais à saveur locale. C'est vraiment en Abitibi-Témiscamingue. C'est distribué un peu partout ici, fait que c'est vraiment facile à trouver. C'est un journal qui va s'attarder aussi à des sujets le plus locaux possible. Et là-dessus, moi, j'ai une chronique de jeux vidéo, parce que quand je suis revenue en Abitibi, justement, quand j'ai quitté Montréal et quitté Monsieur Net au grand désespoir de l'équipe, mais... Et je suis revenue en Abitibi. Je me cherchais quelque chose à faire parce que là, j'étais pas sûre. Tu sais, je veux dire, j'avais plein de temps libre, j'avais plus de. Je continuais les critiques sur Joue.com, mais tu sais, c'était à peu près tout ce que je faisais. Fait que j'ai approché l'équipe du journal pour leur proposer une chronique de jeux vidéo. Et ils ont trouvé ça tellement intéressant qu'ils m'ont engagée. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis je trouvais ça le fun parce qu'au début, en plus, j'avais réussi à créer une genre de série d'articles sur des gens de l'industrie du jeu vidéo, mais qui viennent de la région, puis avoir un peu leur input, leur mini-portrait. Fait que je trouvais ça intéressant aussi d'apporter de la petite touche locale abitibienne à l'industrie du jeu vidéo. OK, ouais. Fait ben, que, ben oui, ben tu sais, quand tu penses juste au vice-président de Warner Brothers à Montréal, Martin Carrier, il vient de la Sarre. OK. En Abitibi, fait bon. Que, tu sais, c'est quand même, tu sais, t'apprends des choses, là. Jason Acevedo de Ubisoft, il vient de Rwanda. Fait que... Et de l'influence d'Abitibi. Bruno Georgette vient de Rwanda. Ben oui, c'est ça, gars. Il y a plein de monde. On se rend compte, justement, quand j'ai commencé à poser mes questions, puis à piger un peu partout, je me suis rendu compte qu'il y a bien du monde de la région qui sont dans le milieu du jeu vidéo. Fait que moi, j'ai comme... Tu sais, j'ai vraiment investigué, puis j'ai vraiment grugé là-dedans pour faire des petits portraits de ces gens-là. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Les gens qui viennent pas de la région, ils peuvent quand même aller sur le site web. C'est www.indicebohémien.org. Les journaux sont disponibles de façon virtuelle sur le site Internet. Fait que si jamais ça vous intéresse de fouiller là-dedans, libre à tout le monde, libre à vous. Mais allez lire la chronique à Et Mélanie voilà. au moins. La plug est faite. Si c'est juste pour ça, allez lire la chronique à Mélanie, vous allez peut-être tomber sur des choses intéressantes aussi. Ouais. Vous planifiez un petit voyage en Abitibi, là. C'est toujours bon de savoir de ce qui se passe aux alentours avant d'y aller. Ben, au niveau culturel, il se passe tellement de choses ici. Là, comme là, présentement, c'est le Festival des guitares du monde. Il y a Lokio qui a fait un spectacle, Samian qui a fait un spectacle hier. Il y a le Festival du cinéma à Rouyn-Noranda chaque année au mois de septembre. Il y a le Festival de musique émergente. Il y a tellement de choses qui se passent en région. On découvre ces affaires-là. Puis les gens connaissent un peu les festivals qui se passent en région. Puis, Colin, au niveau culturel, m'a dire, on est quand même assez gros au Québec. Assez occupé. Oui, surprenamment. Puis, oh oui, puis il y a du monde de partout. Il y a le Frimat aussi. Je sais quoi, non? Festival. Ah, je me souviens plus. En tout cas, je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas grave. Mais c'est un... Non, c'est ça. C'est un autre festival dans votre coin. C'est ça pour dire qu'il se passe plein de choses dans l'Abitibi au niveau culturel. C'est ça. C'est pas une place où ce qui se passe rien. Là. C'est occupé. Non, c'est un beau coin à visiter aussi. Là. Pour les gens qui veulent aller là en vacances, il y a des choses à faire. Ben oui, la région est immensément grande aussi. Il y a tout le temps plein de choses à voir, plein de choses à faire. Non, s'il y en a qui décident de venir en région, ils s'ennuieront pas. Non, il y a toujours quelque chose à faire en Abitibi. On va faire beaucoup de routes, par exemple, parce que c'est large. Préparez-vous, mais ouais, ils c'est ça. Pas. Non, préparez-vous. Montréal, à descendre dans ce coin-là, là, c'est une bonne ride d'auto, mais c'est une belle ride ouais. d'auto. Ah oui, puis il n'y a pas de métro ici, là, fait que, je veux dire, ça te prend un char. Si oh, oui. quelque chose. Je fais juste vous avertir en passant. Ou un très bon vélo. Oui, oui, des bonnes jambes. Très bonnes jambes, ouais, de c'est très bonnes cuisses. Ou sinon, quand vous allez repartir, vous allez en avoir. Aussi. Fait qu'on va passer un peu à ton expérience de gaming. T'as commencé à jouer à peu près quand, puis avec quel genre de console que t'as commencé? J'ai commencé de façon, je vais dire, très tranquillement, mais ça fait longtemps. Je pense que j'ai commencé avec le Vic 20. Ah, OK. Mais c'est de façon très sporadique parce que c'est chez mon père quand j'y allais. Lui, il en avait un Vic 20. Puis c'est très drôle parce que nous autres, notre histoire de gamer familial, c'est féminin, tu sais, parce que chez mon père, c'était sa blonde qui jouait. OK. Chez eux, fait que c'est comme ma belle-mère qui m'a introduit Space Invaders, Astéroïdes, Galaga et plusieurs autres jeux qui jouaient sur Vic 20. C'était même pas mon père qui jouait, c'était sa femme. OK, c'est bon. Ben oui, c'est le fun. Puis fait que j'ai commencé un peu avec ça, mais tu sais, c'était à l'occasion, c'était quand j'y allais, tu sais, une fin de semaine de temps en temps, puis je ne faisais pas que ça. J'avais une vie d'enfant assez équilibrée, fait que j'allais souvent jouer dehors, je regardais des films à TV, je jouais avec mes sœurs et tout, fait que je faisais pas que jouer tout le temps. Fait que c'était vraiment dans mes temps libres. Après ça, j'ai eu la NES, la Nintendo Entertainment System. Oui, qui est probablement la console qui a le plus démocratisé le jeu vidéo dans le temps, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis je l'ai eu à Noël, je me souviens. Puis c'est, tu sais, nous autres, on est juste des filles chez nous. Fait que je me souviens pas s'il a fallu que je me batte beaucoup pour l'avoir, mais il a fallu probablement que j'insiste beaucoup parce que on est des filles chez nous. Fait que j'ai dit, hey, moi, je vais avoir une console de jeu à Noël. C'est comme, hein? Ah oui. C'était pas dans la norme, là. C'était pas ce que les autres demandaient. Ben non, c'est ça, puis je me suis tellement amusée à ça. Puis évidemment, avec Super Mario Bros., qui est comme mon classique personnel à moi, parce que je l'ai découvert. Mais je jouais. Moi, j'aimais beaucoup les jeux de sport, les jeux de tennis, le jeu de volleyball sur NES. Moi, j'aimais ça. Tous les jeux aussi plus plateforme, comme Ice Climber, j'aimais ça. Les jeux qu'on a achetés, nous autres, c'était Ninja Gaiden et Contra. OK, ouais. Et Ninja Gaiden que je trouvais atrocement difficile. Ouais, Je l'avais passé au travers. c'était pas un jeu facile non plus. Mais Contra non plus, Non. t'es pas facile. Il était pas facile, mais Colin, que moi et ma soeur, on le faisait deux doigts dans le nez. Ah. On se mettait. Ah oui, puis nous autres, on se faisait des games, moi et ma soeur, parce que tu sais, tu jouais à deux à Contra, fait que ça, c'était super le fun. Fait que nous autres, on était les deux, là, assis l'un à côté de l'autre, puis là, on passait au travers, puis on avait. C'était un jeu chorégraphique, Contra. OK. Pour nous autres. T'sais, moi, j'étais le bonhomme rouge en haut, ma sœur, c'était le bonhomme bleu en bas. Puis là, on partait, puis on faisait tout le temps les mêmes affaires, les mêmes mouvements. On connaissait le jeu par cœur. On se positionnait toujours au même endroit. C'était vraiment, là, c'était un jeu de danse, là, pour nous autres. Fait que Fait c'était qu'on partait synchroniser vos toujours. affaires, fait que vous saviez où tirer pour Oui. ramasser tel ennemi, puis. Puis on faisait toujours les mêmes affaires. Il y a toujours, tu sais, la même qui pognait le laser, l'autre qui pognait les guns, qui tirait plein de balles partout. C'était tout le temps la même chose. Fait que les ennemis, là, on les connaissait par cœur. On pouvait quasiment le faire les deux yeux fermés. Mais Colin, qu'on a passé au travers souvent, puis c'était le fun, là. Ah, je me suis vraiment amusée avec ce jeu-là. C'était un jeu qui était super le fun, mais Ouais. pour une personne qui jouait tout seul, parce que c'était difficile à jouer tout seul. À deux, c'était peut-être un peu plus facile parce que t'avais pas mal le même nombre d'ennemis. Puis c'est sûr, tu tirais deux fois plus de balles, tu pouvais quasiment canarder la zone au complet puis tuer le plus d'ennemis possible. Mais c'était quand même un jeu assez difficile, là. Chapeau de l'avoir passé si facilement que ça, parce que moi, je pense que je me suis jamais rendu à le passer au complet. Oh oui, mais on avait le code Konami, je veux dire, fait qu'on avait toutes nos vies gratuites, puis tout, fait que Ah, c'est ça que t'oubliais de dire, hein? OK, c'est Mais le correct. défi après, tu sais, c'est d'essayer de le faire juste avec les 3 ou 4 vies normales, là, fait que ça, Ouais. c'est un peu plus dur. Mais je pense qu'on y arrivait. Mais là, je veux dire, je remonte loin, là, fait que peut-être que des fois, mes souvenirs sont peut-être distordus un peu, mais ou distorsionnés, je devrais dire. Mais il me semble qu'on y arrivait quand même. OK, mais c'est correct, au moins tu l'as fini. Ben Moi, oui, souvent, je me suis souvent, pas souvent, rendu là. souvent. Fait que t'as eu ta NES, t'as l'air Ouais. d'avoir trippé pas mal dessus, puis tu jouais avec ta sœur aussi. Ben oui. Après ça, t'es allé vers quoi? T'as-tu été Super NES, puis t'as continué avec Nintendo? T'as-tu essayé d'autres choses, les Sega, les choses comme ça? Non, après ça, j'ai fini le secondaire, puis je suis allée au cégep. Fait OK. que Fait que là, non, j'ai vraiment complètement arrêté. J'ai vraiment recommencé sérieux, ben, plus sérieusement, c'est quand je suis arrivée sur Monsieur Net après. Puis même là, je jouais pas au début. J'étais vraiment pas. J'ai pas recommencé à jouer quand j'ai commencé à travailler sur Monsieur Net. C'est juste que là, je me suis mis à me réintéresser à l'industrie et savoir un peu ce qui se faisait. Fait que j'ai vraiment eu un une grosse pause, là, un gros gap entre la fin de mon enfance, finalement, à ma vie adulte, là. Fait que du côté adolescent, là, j'ai pas joué pantoute. Non, je faisais d'autres choses en vie que de jouer à des jeux vidéo. Ben, il y a d'autres choses aussi à faire dans la vie que jouer à des jeux vidéo. C'est juste un Ben, la passe-temps vie n'est pas qu'un le jeu fun. vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a plein d'autres choses dans la vie aussi, tu sais. Ouais, c'est sûr. Il y a d'autres choses plus Surtout à intéressantes. l'adolescence. Oui, Les parties, les gars, les. profitez-en. Ouais, c'est ça. Les sorties. Le cinéma. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, c'est vraiment avec Monsieur Ned, je me suis mis à me réintéresser au jeu, mais par la bande, parce que à travailler là-dessus à longueur de semaine, à longueur de journée, veut, veut pas, ça te revient dans la tête, ça te rentre dans la tête et tout ça. Et là, j'ai acheté ma DS Lite quand New Super Mario Bros. Est sorti, parce qu'il sortait en bundle avec la console. Donc, pour moi, c'était la nostalgie du premier Super Mario Bros. Parce que le New Super Mario Bros. C'était quasiment une copie conforme de tout ça, mais réactualisée pour la Nintendo DS. C'est comme un retour aux sources. Oui, fait que c'est vraiment avec ça que je suis revenue. Fait que, tu sais, moi, je suis recommencée à jouer, mais avec ma petite fibre enfance nostalgique. Avec justement le New Super Mario Bros. Sur la DS, DS Lite. Et après ça, moi, je me suis mis à triper beaucoup sur ma DS. Moi, je jouais particulièrement sur DS à ce moment-là. Et je jouais à tous les jeux que l'équipe de Monsieur Net me regardait avec des gros yeux parce que moi, je pense que j'ai fait trois Phoenix Wright, Ace Attorney là-dessus. Puis qu'eux autres, ils me disaient, ah, c'est quoi ce jeu-là? T'aimes ça? Oui, j'aime ça. C'est un avocat, il y a des meurtres, faut que t'es lucide, tu t'en vas, tu t'en vas après ça en cour, puis t'essayes d'amener ton point parce que la personne que tu défends en cour est accusée, mais pour de vrai, est innocente. Fait que faut que tu trouves les preuves, tu vas sur le terrain, puis tout ça. Fait que c'est vraiment des enquêtes. C'est plus enquête comme style de jeu. Les enquêtes policières, moi j'aime ça. J'aime les films policiers, puis les livres, des romans policiers. Fait que au niveau du jeu, ça venait chercher ce petit côté-là que j'aimais beaucoup du côté de l'histoire. Ça ramenait comme ce que t'aimes d'un Ouais. roman puis d'un série télé dans un jeu qui est d'autres choses que t'aimais. Fait que C'est j'imagine, ça. t'sais, ça s'additionne. Puis si le jeu était bon en plus, mais ben c'est le fun. Ben, c'est typiquement japonais, Phoenix Wright. C'est vraiment là, avec toutes les grosses expressions, les gros yeux, les expressions plus grandes que nature à chaque fois que quelqu'un amène de quoi. Puis d'ailleurs, un film qui sort là-dessus, je vous invite à aller peut-être voir. Je sais pas, je pense que là, je dis n'importe quoi, mais ça serait le titre de film à être présenté à Fantasia, par exemple. C'est-tu C'est un film d'animation ou Non, c'est un vrai film, un mais film en avec. japonais. Mais avec les déguisements de Phoenix Wright et de son univers, fait que j'imagine que ça va être hyper, tu sais, quasiment souligné au crayon gras là, dans le type de film que ça risque d'être. Il y a une barre d'annonce sur le web, s'il y en a qui s'intéressent à aller voir. Puis la bande-annonce, Ça fait rire. est-ce que ça, pour toi, ça augure bien ou ça a l'air d'un futur flop? Je peux pas dire que ça a l'air d'une grosse farce, là, parce que j'imagine qu'ils ont fait ça sérieusement, là. Mais c'est tellement souligné de façon, tu sais, c'est un jeu vidéo humoristique où tout est amplifié. Tu sais, il n'y a pas de subtilité là-dedans, là. Tu sais, c'est vraiment une grosse. Tout est gros, plus grand que nature. Le film, je pense, va ressembler à ça beaucoup. Et ça va être en japonais, j'imagine, sous-titré en anglais. Fait que ça risque d'être assez cocasse ou comique, mais je pense que ça va être le monde qui connaissent déjà un peu la série et qui connaissent le jeu, qui risque de s'amuser en regardant le film. Et c'est ça. Puis dans le type de jeu aussi, c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup aussi sur DS, Hotel Dusk Room 271, 271, parce que tu joues un enquêteur aussi qui doit trouver une personne qui est disparue, trouver des indices, aller justement à cet hôtel-là, parce que c'est la dernière place où la personne a été vue vivante et tout ça. Fait que là, Il y a une investigation, il y a une enquête policière là-dessus. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de jeu qui m'intéressait beaucoup au début. C'est vraiment ce qui m'a remis au goût du jeu vidéo. Aussi parce que pour moi, c'était comme l'extension d'un roman. Tu sais, c'est juste que c'est interactif à la place d'être seulement de la lecture sur papier. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros, où ce que tu prenais des décisions, puis ça changeait le cours de l'histoire, des choses comme ça, sauf que là, tu le joues. Ouais, c'est ça un peu. Ben, ça, j'ai essayé ça quand j'étais jeune, mais ça, j'ai pas embarqué là-dedans. Et, non, moi aussi, je n'avais acheté une coupe, Malgré puis... tout. Tu sais, j'ai beau être one of the boys souvent. Il y a des affaires qui sont peut-être plus gars que j'ai peut-être moins embarqué. C'est correct, on n'a pas tous les mêmes goûts non plus. Non, c'est ça. Fait que t'as ta Nintendo DS, t'as dit que t'as joué Ouais. beaucoup avec ça. T'as-tu d'autres jeux qui t'ont marqué à part les jeux d'avocat et de mystère? Ouais, ben les jeux d'aventure, souvent, beaucoup. Là, j'ai acheté aussi après ça la PS2. OK. Mais je l'ai acheté sur le tard, je l'ai acheté vers la fin parce que ça, je l'ai acheté pour Rock Band OK, quand ouais. c'est sorti. Juste les jeux, juste Guitar Hero tout seul, par exemple, qui était sorti comme bien avant, ça m'intéressait pas. On dirait que Rock Band, ça m'intéressait parce que moi, je voulais jouer au drum. Ouais. Fait que j'ai commencé, puis finalement, j'ai comme switché vers la guitare et je me suis mis à être meilleure à la guitare. Fait que là, j'ai comme fini le jeu et là, j'ai joué pendant 2 semaines intensives. J'ai comme débloqué toutes les chansons puis tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. À la fin, je faisais voix-guitare, là. Tu sais, j'avais un micro sur trépied, là. Fait que là, je chantais puis je jouais en même temps. OK, y a-t-il des vidéos de ça? Non. Tu sais, je demande toujours des vidéos de chantage puis de dansage, ça pogne toujours, je le demande au cas où. Mais Malheureusement, je n'ai rien filmé. je suis d'accord avec toi, Rock Band, moi aussi j'attendais ça, je disais, ah, du drum, yes, parce que quand j'étais plus jeune, je jouais du drum dans un groupe, puis à un moment donné, tu vieillis, puis tu passes à d'autres choses, là. Mais je Ben dis, oui. yes, m'a pouvoir jouer du drum sur des tunes, puis là j'ai acheté ça, puis c'était comme tellement pas naturel, Mais moi, je suis pas une musicienne. Fait tu sais, j'ai suivi des cours de piano quand j'étais petite, puis tu sais, j'étais quand même bonne en musique, fait que je savais que j'avais comme le rythme, j'étais capable de jouer, mais oui, c'est plus arcade, fait que pour moi, c'est parfait parce que j'ai pas besoin de suivre des leçons puis d'être virtuose pour être capable de passer au travers Rock Band. Mais ça, j'ai joué beaucoup, puis c'est peut-être mon historique aussi musique plusienne qui fait que les chansons de Rock Band, je connaissais, je savais c'était quoi, puis je veux dire, moi, je tripe sur la musique, puis sur tous les styles de musique aussi, fait que ça venait me chercher. Il y avait beaucoup de tunes classiques mélangées avec l'actuel aussi en même temps. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Quand j'ai acheté ma PS2 aussi, j'ai emprunté le jeu God of War à l'équipe de Monsieur Net. Et je pense que j'allais garder 6 mois chez nous tellement j'ai trippé sur ce jeu-là. Je jouais tout le temps. Puis c'était drôle parce que quand le jeu est sorti au début, justement, Momo, le réalisateur, il était intensément à fond dans God of War, le premier. Fait qu'on découvrait justement Kratos et son histoire, incroyable. Et chaque fois qu'il arrivait le matin à job, parce que moi je travaillais avec le réalisateur tout le temps comme monteur, j'avais toujours un genre de What happened last night? Là, tu sais, un genre de OK, où est-ce qu'on est rendu? Parce qu'à chaque fois qu'il disait oh, man, Mélanie, ce jeu-là, il était écœurant, telle affaire, puis là, je pogne à telle place. Puis il me racontait tout ce qu'il avait fait la veille dans le jeu. Puis il tripait, là, vraiment. Fait que moi, quand j'ai acheté ma PS2, ça a été instinctif pour moi. J'ai dit, faut que j'essaye God of War, tu sais. Puis là, c'était moi qui étais là-dedans, puis là, j'étais intense, là, j'étais à fond, puis là, j'arrivais le matin, puis là, c'était moi qui disais justement au réalisateur, OK, Amen, là, j'ai joué à ça hier, puis là, je suis pas à telle place, telle affaire, puis là, j'ai dit, hey, pour passer ça, là, j'ai dit, y a-tu un truc, faut que je m'acharne, puis que je patiente? Il dit, Mélanie, rendu là, il dit, faut que tu t'acharnes, puis tu patientes, il va finir par mourir, genre, qu'est-ce correct. Fait que c'est vraiment drôle. Fait que, tu sais, on se donnait tout le temps nos trucs, nos impressions et tout ça. Fait qu'on est beaucoup influencé par les gens qui nous entourent, souvent dans les jeux vidéo aussi. Hein. Ben c'est C'est sûr, là c'est eux autres qui vont te faire acheter un jeu ou pas faire acheter un jeu des fois. qu'on. Ouais. Fait Mais que, non, God of War, j'ai vraiment trippé beaucoup, là. il y a de quoi qu'on a oublié de parler, par exemple, tantôt, puis qu'on avait dit qu'on jaserait. Parlant de Momo, Ouais. c'est où ce que je m'en vais avec ça? On parlait tantôt avant de commencer, puis tu disais que la fameuse vidéo au Japon de Momo qui pleure devant, qui rit devant la face de la mort, le fameux vidéo qu'on a revu au 2000e de Monsieur Net, C'est toi la maman de cette vidéo-là. Ben oui, c'est vrai, parce que ça avait été tourné ben, au Tokyo Game Show quand la gang de Monsieur Net était allée. Puis le Tokyo Game Show, si je me souviens bien, c'est juste avant qu'ils partent pour leurs vacances d'été. Où ils étaient allés, je pense, au printemps, au mois de mai ou au mois de juin. Ouais, ça se puis, peut, ouais. Fait que là, eux autres, ce qu'ils m'avaient fait, ils avaient justement pris cette... ils avaient comme enregistré justement la passe de la toilette à l'hôtel. Parce que vraiment, au Japon, on voit des choses qu'on voit pas ailleurs. Hein? C'est là qu'on s'en rend compte aussi. Ouais. Ceux qui l'auraient pas vu, on va juste expliquer un peu la vidéo. Il y a Momo assis à terre avec un séchoir branché sur le 220, si je me rappelle bien. Ouais. Puis, au Japon, ils ont les toilettes, mais il y a des bidets. Un bidet, ce que ça fait, c'est que ça nettoie. Puis le bidet, il est en train de cracher de l'eau partout dans la chambre de bain. Ben oui, mais c'est sûr, ils ont décidé qu'il n'y avait personne assis à sa toilette. Fait que c'est sûr, ça gicle partout. Là. C'est en ça. Théorie, quand t'as quelqu'un assis à sa toilette, ça gicle juste sur tes fesses. Fait que c'est correct. Ça. Là, ça giclait partout. Ouais. Mais c'est ça, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient fait une mise en situation, justement, ils avaient tourné cet épisode-là parce qu'ils trouvaient que la toilette était juste magnifique, puis ce qui se passait, puis tu sais, c'est quelque chose justement que nous autres en Amérique du Nord, on n'a pas. Fait qu'ils avaient comme fait une mise en situation, ils avaient comme fait un petit tournage réalisé et tout ça. Fait qu'ils m'avaient donné justement le disque du tournage et ils m'avaient dit « Ok, Mélanie, amuse-toi, fais-nous un montage à peu près, je sais pas, 2 minutes et demie là-dessus, mais je veux dire, t'as la cassette au complet, t'as tout le stock shot, fais ce que tu veux avec. » Fait que moi, je l'avais écouté, j'avais fait le reportage, j'avais comme réalisé, j'avais choisi les bouts que je voulais mettre dans le montage, je l'avais tout monté et après ça, j'avais mis une petite musique, j'avais mis de l'écriture là-dessus. Je m'étais vraiment amusée comme une folle en regardant ça parce que tu peux juste t'amuser comme une folle quand tu regardes quelqu'un s'amuser dans une salle de bain. T'as comme pas le choix, là. Mais c'est fait que j'avais vraiment tout ça. Puis après ça, je l'avais présenté à l'équipe au complet. Il était venu le voir. Il était venu regarder ce que moi, j'avais fait. Puis il avait vraiment trouvé ça drôle. Puis ils l'ont passé en onde comme ça, intégral. Fait que, ouais, c'est vrai, je suis la maman d'une toilette au Japon, finalement. Mais pas de la toilette, mais du vidéo de la toilette. Ouais, c'est ça, d'un vidéo de maman. De toilette au Japon. Ouais, qui était vraiment drôle quand on a vu ça à 2 millième, c'était mais ça, ouais, puis ça, c'est une affaire qui est le fun aussi avec la gang de Monsieur Net, c'est que je faisais vraiment partie de l'équipe et j'étais pas juste la monteur qui exécutait les commandes du réalisateur. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut contribuer aussi au succès de l'émission. Puis je pense que c'est peut-être un des secrets du succès de Monsieur Net. C'est que moi, je pouvais conseiller des choses, j'avais des suggestions, je les faisais, j'avais une idée des fois à laquelle les gars n'avaient pas pensé, ben je le faisais de mon côté, je pouvais leur soumettre ce que moi j'avais pensé et après ça, ça passait au conseil ou ça passait pas ou on modifiait des petites affaires et tout, mais je veux dire, je pouvais m'impliquer aussi au niveau de la, tu sais, quasiment de la réalisation de l'émission, du produit final, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est le fun pour un monteur. Quand on est capable, c'est vraiment une collaboration, c'est un travail d'équipe. Ouais, pas juste fais ça, puis c'est tout. Ça, tu sais, je suis pas un robot qui pèse des pitons, là. C'est comme si on est plus que ça dans la vie. Ouais, mais c'est ça qui est le fun. C'est ce qui fait aussi que la personne commence à prendre sa job plus comme personnel, puis de vouloir toujours faire mieux, puis faire plus. C'est de faire que la personne se sente comme faire partie de la gang et non pas juste, regarde, prends ce bout de vidéo-là, puis fais juste mettre ça pour que ça soit clean, puis c'est tout. On veut pas ton input, on veut pas que tu nous dises qu'est-ce que tu penserais que ça serait, que ça devrait être, comment ça devrait être fait. Fais juste le faire comme on te le dit, puis c'est tout. Ouais, puis ça paraît sur le produit final aussi. J'imagine que, ben, en tout cas, moi, c'est sûr, j'ai une perception plus interne des choses. Je veux dire, moi, je suis pas, tu sais, je peux pas toujours me mettre à la place du public qui connaissent pas les coulisses. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'au niveau final aussi, dans une émission, ça paraît. Quand les gens, tu sais, de la façon que les gens sont perçus, de la façon que les gens ont travaillé sur l'émission aussi, je suis sûre que ce produit final, il y a une différence entre quelqu'un qui fait quelque chose de façon très mécanique, quasiment objectif, versus quelqu'un qui est plus subjectif aussi dans ce qu'il fait dans son travail. Quand tu fais ça parce que t'aimes ça, ça souvent ça paraît. Oui, c'est ça. Plus que si tu fais ça parce qu'il faut que tu le fasses. Ça donne des super beaux vidéos de toilettes japonaises. De Momo qui rit à la face de la mort dans une toilette au Japon. OK, fait qu'on était rendu à God of War, que tu disais que tu avais beaucoup trippé dessus sur la PS2, qui est probablement aussi, God of War, c'est sûrement un classique de la PS2. Là, ah, c'est sûr, c'est sûr. Je veux dire, quelqu'un qui a une PlayStation 2 ou maintenant une PlayStation 3 parce qu'ils l'ont ressorti, je veux dire, doit avoir God of War dans sa collection. Là. C'est immanquable. J'ai l'impression que ça l'a aussi. Ça l'a probablement influencé plusieurs jeux par la suite aussi, juste de la façon de jouer. Je veux dire, probablement God of War n'a pas inventé la roue non plus, là. Mais je veux dire, ça, tu sais, c'est un jeu parfait, là. Je veux dire, il n'y a pas de défaut dans ma tête, God of War. Ok, moi le premier surtout, mais. Ou je suis bien nostalgique dans ce que je dis, ça se peut aussi. Non, c'est le premier, c'était nouveau, c'était différent. T'avais les Quick Time Events qui étaient vraiment bien importants. Ouais, Puis. mais c'était pas plate Non. parce qu'il y avait de l'action tout le temps, pareil. Il y avait des casse-têtes aussi, je veux dire, il y avait des chemins à prendre. Je me suis dit, il y avait des caisses à placer à certains endroits stratégiques pour être capable de déclencher une porte qui s'ouvre ou qui se referme sur nos ennemis. Fallait marcher sur les poutres en haut, je me souviens aussi, pour essayer de passer d'une pièce à l'autre. C'était quand même assez difficile comme jeu, puis on était content quand on y arrivait. Non, oui, fallait que tu travailles fort pour finir certains Oui. niveaux. Oui, c'est ça. Et là, je parle pas juste de Kratos qui fait shaker sa tour avec deux filles dans son lit, Non, là. pas travailler fort comme ça. Là-dessus aussi, il y avait une certaine satisfaction, mais pour d'autres raisons. C'est ça, mais t'avais des cinématiques qui étaient super belles. C'est sûr que c'était de la violence extrême, là, aussi. Mais c'est un jeu qui était. C'est ça. Si c'était pas le jeu parfait, il était pas loin de la perfection pour l'ensemble de l'œuvre, là. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est. C'était aussi surtout un des plus beaux jeux qui avait sorti sur la PS2. Oui, C'était. mais c'était, tu sais, vu que ça faisait longtemps que la PS2 existait, je veux dire, quand ils ont développé God of War, je pense que les développeurs, puis c'était Sony en plus qui le développait, ils connaissaient leur machine par cœur. Ils savaient comment la maximiser aussi C'est pour ça. avoir le meilleur jeu possible, graphiquement et au niveau mécanique aussi, que le jeu se joue de façon instinctive. Ouais. Puis ils ont réussi leur pari là-dessus. Ah oui, ah oui. Puis à part God of War, ça a-tu été le jeu pour toi de la PS2 ou s'il y avait d'autres choses qui t'ont marqué là-dessus? Moi, au niveau de la PS2, c'était pas mal ça parce que moi, je l'ai vraiment acheté à la fin, comme je disais, à la fin de la console, de la vie de la console, parce que la PS3 était déjà sortie quand j'ai acheté ma PS2. Ok. Puis d'un côté, j'étais quasiment contente parce que quand j'ai acheté mon kit de Rock Band, je l'ai eu moins cher parce que j'ai acheté version PS2, mais tous les instruments, c'était des instruments de la PS3. Fait que quand j'ai revendu ma console PS2 pour acheter ma PS3, j'avais eu les instruments de Rock Band qui fonctionnaient encore sur ma PlayStation 3, mais je les avais eu comme beaucoup moins cher parce que je l'achetais pour la PS2. Pour la PS2, ouais. Puis en fin de vie, la PS2, puis encore aujourd'hui, quelqu'un qui n'aurait pas de console, la PS2, c'est une super bonne console à vous acheter. Ben, Parce que il y a le tellement de jeux. catalogue de jeux est incroyable là-dessus, là. Oui, puis je veux dire, la console vit encore. J'ai entendu des gens qui l'achetaient encore dans certains pays et tout. Je pense pas qu'ici ça se vende encore beaucoup, là. Mais la PS2, je veux dire, elle est pas brisable non plus. Je suis sûr qu'elle fonctionne encore super bien, les gens qui l'ont. Et les gens qui l'ont peuvent encore y jouer pas mal aussi et de façon très satisfaisante. Non, c'est une super bonne console. C'est probablement une des, à part peut-être la NES, une des consoles qui a beaucoup marqué aussi parce que j'ai vu son catalogue, puis le fait qu'encore aujourd'hui, ça fait pas si longtemps que ça qu'il n'y a plus de jeux qui sortent pour la PS2. Faut Non, donner c'est vrai. ça à Sony à comparer de Microsoft avec sa Xbox. La journée que Microsoft a décidé que la Xbox était obsolète puis que c'était la 360 qui existait, les jeux, on fallait les chercher, là, ils en sortaient plus. Tandis que Sony, la PS3 était sortie, puis il y avait des NHL qui sortaient, puis il y avait encore des jeux qui sortaient pour la PS2 en bonne quantité. Oui, c'est ça. Il y en avait beaucoup moins et c'était probablement beaucoup les jeux de sport. Là. Je me Ouais. souviens, ceux qui perdurent le plus longtemps dans ces vieilles, ben, plus vieilles consoles quand la version d'après sort, c'est souvent les jeux de sport, les jeux de Madden, NFL, les jeux de NHL, certains jeux de Sony aussi parce qu'eux autres, vu que c'est la compagnie, ils vont sortir leurs jeux. Mais c'est souvent eux autres qui durent le plus longtemps. Là. Je pense les jeux de football, puis les jeux de hockey, les jeux de baseball probablement aussi parce que c'est très populaire aux États-Unis. C'est eux autres qui continuent à sortir encore un petit peu pour les vieilles consoles jusqu'à temps que finalement la technologie est tellement dépassée qu'ils finissent par arrêter d'y faire. Là. C'est ça. Mais il faut quand même donner ça à Sony. Au moins, ils supportent leur plus vieille console encore un bout de temps quand la nouvelle est sortie. C'est quand même Ouais. bon. Ben oui, fait qu'après ça, j'ai acheté la PS3, j'ai vendu ma PS2 avec la petite pile de jeux que j'avais. Fait que j'ai réussi à avoir un rabais de 100$ sur ma PS3, fait que ça, je suis super contente. Parce que t'as vendu ta PS2. Ben, j'ai vendu ma PS2 et vu que ça faisait, je pense que ça faisait peut-être 6 mois que j'avais acheté ma PS2, là, c'était vraiment un coup de tête, là. Puis le gars au magasin, ben, j'avais encore la boîte originale, je l'avais toute réemballée dans son plastique, puis tout, parce que moi je garde tout, je suis vraiment freak là-dessus. Puis le gars au magasin, il dit, man, j'ai jamais vu une PS2 en si bon état que ça. Je suis comme, ah yeah! Elle était pas maganée. Pas en tout, je veux dire, elle était à peine usée, là. Je veux dire, quand tu y penses, je dis, le gars, avoir été. Si avoir voulu, là, il aurait quasiment pu la revendre quasiment à l'état neuf. Il aurait pu remettre sa Fait tablette, puis... que. Ouais, c'est ça, c'est juste la boîte est ouverte puis tout, là. Ouais. Mais je veux dire, sinon, je veux dire, c'était pratiquement une console neuve que j'y avais donnée. Fait que. En tout cas, bref, le rendu là, il fait ce qu'il veut dans son magasin, là, Bon, mais c'est moi, ça. j'avais ma PS3. J'étais contente. Puis t'avais gardé tes instruments pour ton Rock Band, parce qu'il Oui, c'est marchait. ça. J'avais revendu le jeu Rock Band 2 parce que Rock Band de PS2 parce que ça, je pouvais plus y jouer parce que j'avais pas acheté la version rétro-compatible de la PS3, mais je veux dire, les instruments, je les avais conservés. Fait que ça, j'étais contente aussi pour ça. Je m'en suis resservie pour d'autres jeux justement de Rock Band que j'ai acheté pour PlayStation 3 après. OK. Puis Fait que. sur la PS3, à part ça, t'as-tu embarqué autant dans les deux autres God of War qui est sorti ou moins parce que c'était comme plus du réchauffé puis Non, ben God of War, ça reste un classique. Fait que ça, j'ai God of War 3. J'ai passé par-dessus le 2 complètement, malheureusement. Mais j'ai God of War 3 que j'ai essayé. Mais celle-là, j'ai vraiment pas passé au travers. Je le trouvais encore plus difficile que le premier. OK. Fait que là, je suis vraiment pognée sur un gros monstre, là. Puis je suis comme. Je sais pas quoi faire, là. Tu l'as mis de Puis, côté, puis on ouais, passe puis à là, d'autres je sais choses. qu'il faut que je m'acharne dessus. Tu sais, y a pas de secret souvent, là. Tu sais, faut juste que. En tout cas, bref, que je passe au travers. Mais là, j'ai découvert Uncharted, j'ai découvert Batman aussi, Arkham Asylum que j'avais essayé quand j'ai acheté ma PS3. J'avais essayé Uncharted 2. Fait que c'était vraiment deux classiques en plus, là. Je veux dire, tant qu'à essayer des jeux, je dis, on va essayer les bons en Ouais, partant. c'est des bons jeux. Fait que ça, j'ai vraiment embarqué dans ce style de jeu-là aussi. Les styles d'Uncharted, de Batman, c'est vraiment des jeux qui viennent me chercher. J'aime ce genre de jeu-là à grand déploiement où c'est vraiment une aventure, t'as une histoire qui t'est racontée. Moi, j'aime ça, là. Tu sais, c'est mon côté, justement, mon côté lectrice aussi et d'amateur de films. J'aime qu'il y ait une histoire qui se tienne aussi en arrière d'un jeu, souvent. Ouais. Malgré que dans Super Mario Bros, il n'y a pas d'histoire, là, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est un autre style de jeu aussi. C'est Oui, c'est plus ça, c'est pas la même chose. visé à Star, à Mario et plus comme a plus comme public cible les enfants plus jeunes ou les jeunes ados. Tandis que là, les autres jeux que nous autres on joue plus, comme tu parles de God of War, tu parles de Batman ou tu parles de ces jeux-là, ben là, ils vont plus vers un public adulte parce que c'est des jeux matures. Fait que là, on s'attend plus à embarquer dans l'histoire puis avoir comme, tu sais, se sentir comme faire partie du jeu plus que juste, tu sais, s'en aller vers la droite puis ramasser des champignons puis péter des caisses, là. C'est Ouais, comme c'est ça, c'est pas la même chose partout. Batman Arkham City, s'il y a un jeu qui a fait croire aux gamers que un jeu de super-héros, ça pouvait être bon, ben c'est bien ça. Ben c'est ça, ben Arkham Asylum au départ, puis Ouais. Arkham City 2 ans après, mais c'est la suite. C'est la suite logique de ces deux jeux-là, puis les deux jeux sont excellents. Arkham City, je l'ai essayé justement, je l'ai testé justement sur Épée Légendaire quand il est sorti à l'automne passé. J'ai trippé sur ce jeu-là. Ça a été un, sinon mon jeu de l'année passée, pour moi personnellement. Oui, ben c'est lui qui a gagné Game of the Year, ça me semble. Non, c'est lui qui avait gagné ou c'est Red Dead? Qui avait Il y gagné. avait, ben quand on a fait l'émission de Noël d'Épée Légendaire, je pense que c'est Arkham City qui avait gagné, mais Ouais. je me souviens pas là. Il était OK. un finaliste, en tout cas, c'est certain. En tout cas, c'était le mien, Ben personnellement. le grand rendez-vous des podcasters que Max avait fait, c'était Arkham City qui avait Ah, gagné. c'est ça, c'est ça. Puis Qui est tu vois, le. j'étais même pas là pour participer, mais. Ben non. Ben moi, Max m'avait invité. Moi, mon jeu de l'année, c'était Portal 2, là, mais c'est ça. Mais ça faisait longtemps qu'il était sorti Portal 2. On l'avait oublié un peu C'est aussi, ça. hein? Mais Parce c'est tellement que excellent. Mais tu vois, ça, je ne l'ai pas essayé encore. Puis ça, c'est vraiment un gros shame on me parce que j'ai Portal 1, parce que j'ai la Orange Box que j'ai acheté. J'ai même pas essayé Portal 1 encore. Fait qu'imagine. Portal 1, je te dirais, c'est vraiment pour te mettre dans le bain de la mécanique du jeu, des choses comme ça. Parce que c'était vraiment comme un démo technique, si tu regardes, puis Portal 1 est pas vraiment long, là, tu peux le finir facilement dans une soirée si tu joues juste à ça, puis tu as une coupe d'heure en avant de toi, là, c'est pas vraiment long. Mais Portal 2, là, c'est vraiment comme l'aboutissement de ce qu'il aurait pu faire avec ce jeu-là. Là. C'est vraiment. Moi, je te dirais, si t'as pas le temps, passe par-dessus Portal 1 puis lance-toi dans Portal 2. Là. Au prix que tu peux le trouver à cette heure sur PS3, sur Xbox ou même sur Steam, là, ça. Moi, je l'ai joué sur PC puis je l'ai dévoré ce jeu-là. Tu veux plus arrêter de jouer quand tu commences, puis c'est pas violent, là. Tu sais, je veux dire, à part GLaDOS qui est un petit peu cinglé, là. Je veux dire, y a pas de violence dans ce jeu-là. Je veux dire. T'as pas de bébite à tuer, rien, c'est de résoudre des énigmes, puis c'est tellement le fun à jouer. En tout cas, si j'ai un jeu que je peux te conseiller, c'est Portal 2. C'est Ok, vraiment bon, ben, incroyable. je vais mettre ça sur ma liste de jeux à essayer. Tu sais, parce que j'ai même un paquet de jeux chez nous que je possède, que j'ai acheté, mais que j'ai même pas essayé ou que j'ai pas fini la petite trois quarts des jeux que j'ai, ou même si je les ai commencés, je les ai pas terminés. Fait que, tu Okay. Bon, sais, merci de c'est me dire ça, je toujours. me sens moins tout seul. Ah non, je pense qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là. J'ai comme, je sais pas, je dis ça de même, là, mais j'ai comme une impression qu'on n'est pas juste deux Non. là-dedans. Pourtant, j'essaye de. Je commence un jeu, puis j'essaye toujours de le finir, puis mais à un moment donné, tu essaies d'autres choses. T'essayes. Comme C'est Batman ça. Arkham City, je l'ai pas fini. Tu tombes sur d'autres choses parce que moi, je me souviens quand j'évaluais, j'étais en train d'évaluer justement Uncharted 3 sur pourjouer.com sur PS3. Puis entre-temps, j'ai reçu Batman Arkham City et l'erreur que j'ai faite, ça a été de mettre Batman Arkham City dans ma console, même si je n'avais pas encore terminé Uncharted 3. Et Colin, que Batman Arkham City a gagné. J'écrivais ma critique pour Uncharted 3, là, puis j'avais toujours Batman dans la tête, puis Colin que Batman il était beau, puis il était bon, puis il était immersif, puis les images étaient belles, puis tu sais, ça disait « I am Batman » au début, quand on acquiert son sceau, puis c'est vraiment ça, on se prend, nous sommes Batman, Bon, vraiment. oui, ça te fait Puis, vivre vraiment. tu sais, je peux pas dire que Uncharted 3 a subi ça dans ma critique, parce que ça serait pas fin de dire ça, puis je veux dire, j'essaie toujours de rester objectif quand je fais une critique de jeu, là. Mais je veux dire qu'il, tu sais, il y a eu une petite influence. Je me demande, tu sais, puis ça, je veux dire, c'est la vie qui fait ça, puis je veux dire, on peut pas défaire, tu sais, on peut pas défaire ce qu'on a vu, là, tu sais, tu peux pas dévoir ce que tu as déjà vu, tu sais, il y a une Non. expression qui dit ça en anglais, là, this cannot be unseen. Mais si j'avais pas essayé Batman avant de finir Uncharted, je sais pas si ma critique aurait été différente. Mais j'ai vraiment été flabbergastée par Batman Arkham City, fait que Ouais, ben, déjà, ouais. la mécanique du premier était vraiment bonne. Il y avait des petits Ouais. défauts, puis ils ont réglé dans le deuxième. Ben c'est ça, fait que tu sais, je sais qu'on n'est pas rendu là dans ton émission, Luc, mais quand tu vas me demander un de mes meilleurs jeux à vie, je pense que je vais avoir de la misère à ne pas dire Batman Arkham City. OK. Fait que tu peux déjà rayer cette question-là. OK, fait que ton meilleur jeu à vie, c'est Batman Arkham City. Ça et Super Mario Bros, mais ça c'est pour ma fibre nostalgique. Ouais, ça c'est correct, mais OK, c'est beau. On m'a laisse skipper d'abord. Fait que le PS3, bon, Batman Uncharted, des choses comme ça. Y a-tu d'autres exclusivités sur de la PS3 qui t'ont marqué ou t'es vraiment plus, à part Uncharted, là, t'es-tu vraiment plus comme, tu sais, peu importe la console, c'est pas tellement grave, il n'y a pas vraiment d'exclusivité sur une ou sur l'autre qui t'attire plus vers ça. T'es-tu plus attiré PlayStation 3 que Xbox? Plus pour partir un débat de fanboy, là, parce que Non, moi, de toute façon, moi, je suis toute sauf une fanboy parce que je possède aussi Xbox 360. Ouais. Et c'est pas une console plus que l'autre qui m'attire, tu sais, qui m'attire pour un jeu vraiment. C'est le jeu en tant que tel. Y est-tu le fun ou y est pas le fun? Je veux dire, that's it, là, ça finit là. Mais c'est sûr que, ayant eu une PS2, j'ai acheté une PS3 en premier parce que quand, justement, je voulais me l'acheter, je me suis posé la question à savoir, j'achète-tu une PS3 ou une Xbox 360. Et étant donné que j'avais ma PS2 et mes instruments de Rock Band qui m'ont comme suivi, c'est comme la PlayStation qui a gagné. OK, ouais. Aussi parce que j'avais trippé sur God of War, puis ça, je sais que c'est une exclusivité, et Uncharted aussi, que je trouvais magnifique. Fait que c'est sûr qu'ils ont pesé dans la balance un peu versus la Xbox à ce moment-là où il n'y avait pas vraiment d'exclusivité Xbox qui m'intéressait personnellement. Puis j'avais comme un mini préjugé aussi à l'effet que la Xbox, c'était beaucoup les gens qui jouaient à des jeux de sport qui étaient là-dessus. Puis moi, je suis pas pantoute jeu de sport, mais pas du tout. S'il y a un type de jeu auquel je joue pas, ça serait ça. Je joue pas pantoute, pantoute. Tu sais, j'ai comme les NHL, j'ai jamais touché à ça, les jeux de football non plus. Tout EA Sports en général ou 2K Sports, ça m'intéresse pas vraiment, puis mais pas pantoute. Hein. Ben c'est correct. Hein? Moi, je suis un gars, puis les jeux de sport, je pense que si je regarde ma gang de jeux que j'ai là, j'en ai même pas OK, c'est ça. Ben moi non plus. J'avais NHL 10 sur ma PS3 que j'ai vendu à Lynn, puis à Steve Desguerry quand la leur est morte parce qu'il est en dépression avancée. Total, ouais. Fait que je lui ai vendu ma PS3 parce que moi, elle servait plus ou moins. J'avais NHL 10 dessus. Je vais acheter un NHL peut-être aux 3 ans, tu sais, pour en avoir un au cas où ça me tente de jouer au hockey. Puis quand je l'ai, je vais jouer. Je vais me tanner, puis je vais faire d'autres choses. Fait que c'est pas parce que t'es un gars plus que tu devrais aimer les jeux de sport, moi non plus. Fait que je te comprends là-dessus. C'est OK. le fun, mais rien de plus. C'est ça, mais c'est drôle, par exemple, parce que je me suis mis à jouer, par exemple, tranquillement aux jeux de course de voiture, mais plus les courses arcade. OK. Et je me suis mis à aimer ça parce qu'au début, j'étais vraiment pas bonne là-dessus. Tu sais, par exemple, j'avais fait une série d'articles sur Driver San Francisco. Ouais. Épée légendaire, et je m'étais mis dans la peau d'une recrue parce que je connaissais pas beaucoup ce type de jeu-là, de voiture. Je veux dire, à chaque fois que j'essayais un jeu puis il y avait une épreuve dans une voiture, c'est sûr que je la moffais, là. Tu sais, j'étais vraiment poche là-dedans. J'étais pas capable de conduire un char virtuel. J'avais aucune notion là-dedans. Je savais pas comment ça fonctionnait, puis j'avais vraiment de la difficulté. Fait que veux, veux pas, je m'étais mis ce défi-là un peu avec un de mes amis pour apprendre à maîtriser les jeux de sport, pas de jeux de sport, les jeux de char, de voiture. Puis finalement, j'en ai tellement fait que je me suis mis à aimer ça. Et je me suis mis à devenir quand même pas si pire. Fait que ça, c'était comme un de mes défis que je m'étais donné. Je m'étais donné un an pour apprendre à commencer les jeux de voiture et finalement m'habituer à ça. Puis ça m'a. Ouais, j'ai trouvé ça le fun. Au début, c'était vraiment des épreuves, comme par exemple quand on parlait de Duke Nukem Forever. Il y en a une où il faut conduire un char téléguidé, là. Fait que t'as pas idée comment mon petit char téléguidé, il fonçait dans les murs puis il allait partout. Des fois, ça n'a juste pas de bon sens, là. Puis aussi, dans un des jeux des Transformers, celui qui était sur le dernier film qui était sorti, j'avais justement critiqué pour jouer.com. Il y a, tu sais, c'est un jeu de Transformers, ben les Transformers, ils se transforment en char, hein, tu sais. Ouais, fait que faut que tu conduises de temps en temps ou Ben tu oui, des pilotes fois, un t'es un robot, mais avion. c'est ça. Tu sais, Ouais. souvent, tu te transformes en voiture, puis il y a des épreuves où tu as le choix, mais il y a certaines places, comme dans le volcan, je pense qu'il faut que tu sortes du volcan le plus rapidement possible. Tu es transformé en voiture, puis tu n'as pas le choix. Et étant donné que c'est une épreuve en plus chronométrée, parce que si tu le fais pas dans un temps donné, tu meurs. Ouais, OK. Parce que la lave te suit, puis tu vas juste être absorbé par la lave, puis soit brûlé vive. Mais là, tu sais, c'est pas morbide, là, c'est un char, là. On Non, s'entend ouais, que c'est de la ferraille, là, c'est du métal. il y a pire que ça dans il y a pire que ça dans les C'est jeux ça. vidéo. Il a fallu que je me reprenne plusieurs fois pour sortir de là parce que fallait vraiment que je sois précise dans les virages, puis tout ça, j'avais pas le choix d'être bonne pour réussir, puis je l'ai eu. Ça a été long, mais Colin, que j'étais contente quand j'ai réussi. Ah ouais, Là, t'avais mon une char, je le fierté. maîtrisais, là. Ouais. Fait que veux, veux pas, je me suis mis à en faire un peu plus comme ça, mais c'était pas des jeux de voiture vraiment. Mais quand j'ai essayé Driver San Francisco, j'ai vraiment trippé dans ce jeu-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis dernièrement, justement, j'ai essayé Trials Evolution, qui est un jeu de moto, mais tu sais, ça se ressemble quand même un peu. J'ai beaucoup aimé ça aussi. J'ai essayé plusieurs jeux de voiture, des petits jeux arcade en version téléchargeable dernièrement. Et Mad Riders, d'ailleurs, qui est sorti la semaine passée, qui est un jeu de quad, de quatre roues. OK, ouais. Mais ça reste de la conduite, t'sais, moi je dis de la conduite de véhicule automobile pareil, hein, à quelque part. Puis, Colin, j'aime ça, finalement. Fait que t'as appris à aimer ça. Tu t'es donné À l'usure, là, mais je me suis mis à aimer ça. C'est ça. Mais t'aurais pu essayer ça, puis décidé, ah, finalement, non, c'est pas pour moi. Mais finalement, t'as accroché puis t'as aimé ça pareil. Ouais, vraiment. Fait que. Puis ça, je suis la première surprise parce que c'est pas le type de jeu qui m'attire d'emblée. T'sais, c'est pas vers ça que je vais quand je vais dans un magasin ou que je magasine justement pour le prochain jeu que je vais essayer. Je magasine plus souvent. C'est vraiment les jeux d'aventure qui m'attirent. D'instinct, là. T'sais, comme justement Uncharted, comme. Batman ou même l'Assassin's Creed, moi j'aime ça parce qu'il y a tout le côté historique aussi à côté de ça qui vient me chercher. Côté gameplay, j'ai toujours un petit peu plus de misère avec Assassin's Creed parce que les contrôles sont comme semi-instinctifs, mais pas complètement. Mais c'est l'histoire autour qui vient toujours me chercher. Ça te ramène à ton côté lectrice. Oui, que j'aime. Qu'il y a une histoire. Ben c'est le fun, un jeu qui a une histoire. On peut pas enlever ça. Un jeu qui a une bonne histoire, qui t'embarque. Plus. Ben, en tout cas, pour moi, là, je trouve que je m'investis plus là-dedans aussi. C'est ça. Puis, tandis qu'un jeu de course, tu sais, comme moi, j'ai bien gros trippé Forza, mais Forza, tu fais 4 courses, t'arrêtes ta console, tu t'en vas, t'as pas besoin, tu sais, t'es pas embarqué dans l'histoire, tu sais pas, ah, oh, le virage là-bas, peut-être que, tu t'en sacres, je veux dire, t'as fini de jouer, tandis que l'histoire, elle va toujours te trotter en arrière de la tête, tu sais, quand que je vais rejouer, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Tu veux en savoir plus. C'est ça. Si, j'ai rejoué aussi un petit peu sur PC à Tomb Raider. Mm-hmm. Puis moi, j'aimais cette histoire-là. L'histoire de la fille qui fait des fouilles archéologiques. Je veux dire, tu sais, veux pas, l'histoire était peut-être pas hyper détaillée ou hyper profonde dans le jeu en tant que tel, mais il y a quand même un bagage historique là-dedans. Là. Tu sais, tu vas quand même faire des fouilles, tu s'en vas fouiller le passé, tu vas trouver des trucs spéciaux, des objets, des reliques. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça intéressant aussi là-dedans. Un peu à la Indiana Jones, de faire... C'est une histoire, puis c'est le fun d'embarquer dans, comme on disait, dans l'histoire du jeu. C'est ce qui fait que tu veux continuer. C'est ça, puis avec l'action aussi, parce que c'est le fun quand il y a de l'action là-dedans aussi. Ouais, parce que sinon, c'est juste une histoire, c'est comme un livre. Faut qu'il y ait des scènes au moins où tu aies quelque chose à faire, mais pas juste lire, sinon c'est sûr que c'est pas intéressant non plus. Et okay. Voilà. Fait que PS3, après ça, là, t'as dit que t'as une Xbox aussi, y'a-tu des franchises là-dessus, y'a-tu des jeux là-dessus qui t'ont marqué? Sur la 360, j'imagine que t'as sauté par-dessus l'Xbox originale. Oui, complètement. Complètement. Okay. Ça, j'y ai pas touché. Moi, j'ai acheté la 360. À quoi j'ai joué dernièrement là-dessus? Ben moi, c'est ça, j'ai la Kinect aussi. Oui. Et j'ai la Move aussi. Fait que même là, tu sais, pars pas de débat là-dessus, moi j'ai les deux. OK. Non, c'est beau, mais alors, tout le monde peut s'entendre que c'est Nintendo qui a apporté ce besoin-là pour les autres compagnies d'avoir quelque chose qui détecte le mouvement au lieu de juste une manette classique. Puis... Mais ça a amené des nouveaux styles de jeu. C'est là que les jeux de danse ont été démocratisés beaucoup. Ouais. Avec les Just Dance qui étaient sur la Wii, mais je veux dire, avec la Move et le Kinect après ça, je veux dire, c'est certain que les autres compagnies se sont mis à inclure des volets dansants sur lesquels il fallait bouger aussi interactivement dans leurs jeux. Fait que pour la Kinect, moi j'avais justement les Your Shape pour faire de l'exercice. Fait que ça, ça comme n'importe quelle vidéo d'exercice ou jeu d'exercice, j'y ai joué quelques semaines et je n'y joue plus. Mais ça fait son temps. On t'offre pas, c'est ça. T'sais, on a beau avoir un DVD ou un jeu d'exercice, ça prend tellement une volonté de faire pour continuer. Mais le jeu est excellent, vraiment. Le jeu était vraiment bon. Les jeux de danse, moi, j'ai trippé là-dessus. J'en ai essayé sur la Move, sur la Kinect. Puis les deux sont différents. Comme par exemple, celui de Michael Jackson, The Experience. J'ai la version Move et la version Kinect. Et les chorégraphies sont pas les mêmes. OK. Puis, tu sais, la plupart des critiques avaient fait la version Kinect du jeu. Puis moi, quand là, j'ai fait la version Move, j'ai préféré la version Move à celle de Kinect. OK. Pourquoi? Mais tu sais, j'ai été privilégiée, par exemple, de pouvoir essayer les deux. Parce que d'habitude, les gens choisissent une ou l'autre. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas... Je veux dire, la Move, c'est un peu comme... une Wii HD, là. Je veux dire, c'est la manette dans tes mains, puis c'est la manette qui est détectée. Ah, mais tellement mieux que la Wii, par exemple, parce que t'as pas le tabarouette de fil entre tes deux manettes, là. Bon, ouais, ça, c'est sûr. Ça fait toute la différence du monde pour moi, en tout cas. Ouais. Mais non, je l'aimais mieux à cause des chorégraphies proposées. Puis ça, c'est ma petite fibre de petite fille qui a grandi dans les années 80 avec justement Michael Jackson dans le temps qu'il était super hot. La chorégraphie de Thriller. Parce que la chorégraphie de Thriller dans la version Move, c'est les mêmes moves que dans le vidéoclip. Ce qui est bien, ok. Plus que la version Kinect. La version Kinect en reprenait quelques-uns, mais c'était pas toutes les mêmes. Fait que moi, juste pour la chorégraphie de Thriller, la version Move est meilleure. Ok, t'aimais mieux celle-là parce que c'était plus proche de l'original, de ce que tu te rappelais. De ce que je me rappelais. Oui, effectivement. Ok. Et moi, je la faisais puis je trippais, là, vraiment. Fait que. Ok, puis à part de ça, sur la Wii, tu y as-tu touché? Tu y touches-tu ou Non, c'est non? je l'ai pas, je la possède pas, Ok. cette console-là, malheureusement. Celle-là, je l'ai laissée à Maxime Tremblay. Non, c'est beau, je voulais pas me faire traiter J'en laisse des de. fois, Je voulais pas me faire traiter de Nintendo Basher parce que j'ai passé par-dessus. Je viens de me rappeler que j'avais juste oublié de poser la question. C'est beau. Non, je l'ai pas, Ok. puis je veux dire, il n'y a pas de question de Nintendo Basher, puis tout, parce que j'ai la DS Lite. Tu sais, Non, j'ai la DS, fait que là, j'ai la XL maintenant. J'ai switché ma Lite que j'ai vendue à des enfants pour acheter la XL, hein? Ok. parce qu'elle est plus grosse, puis elle est plus le fun. Non, puis il y a eu une baisse de prix dernièrement aussi. La DS Lite est tombée à 99$, je pense, puis l'autre est à 129$ ou 149$. La XL, dernièrement, Nintendo a fait des baisses de prix, tu me sembles, c'est cette Oui. semaine, là, j'ai vu ça Ah non, dans un mais ils l'ont des. baissé encore plus. Ok. Il me semble, de ce que j'ai vu, là, je ne sais plus si c'est dans tous les magasins ou si c'est généralisé, là, mais il me semble que la XL est rendue. Je me demande si elle n'est pas en bas de 100$. Ça se peut. Ils Parce que sont rendus donnés, là, ça n'a juste pas de je n'ai vu une à 99, c'est ça. Sais-tu le fait qu'il s'en vient peut-être d'autres choses ou c'est le fait que Nintendo va pas tellement bien? On Ben, sait c'est le pas. fait que la 3DS existe aussi, là. Ouais, mais elle se vend pas autant qu'il aurait espéré, là. Non, mais Mais c'est la nouvelle technologie versus la ouais. XL. Je veux dire, moi, je préfère la XL à cause de l'écran qui est vraiment plus large. Ouais. Puis, versus la 3DS. La 3DS permet certains jeux que la XL ne permet pas, mais en général, les deux sont, tu sais, à part les jeux exclusifs 3DS. Mais sinon, les deux s'équivalent, selon moi. Puis la XL, moi, c'est ça, à cause de son écran qui est vraiment plus grand que même la 3DS, qui est vraiment un écran grand comme la DS Lite. Ouais, plus petit, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime mieux ma XL pareil. Tu sais, j'ai comme les. Là, ma sœur m'a prêté sa 3DS, puis je joue plus à la mienne sur XL que sur la sienne, juste parce que je vois mieux. L'écran est plus grand. Ouais, ben quand j'ai un jeu DS normal, là, tu sais, quand j'ai à choisir entre les deux, je préfère la DS. OK. Peut-être Encore. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de la baisser de prix aussi. parce que, ouais, peut-être pour essayer de mousser un petit peu les ventes. De peu importe la console, mais que les gens aient une DS dans les mains. Puis c'est le fun pour les enfants. Je veux dire, mon gars, il a 6 ans, puis il a sa DS depuis qu'il a 3 ans. Fait Ouais. que c'est une console parfaite pour les enfants. C'est tellement facile à jouer, puis c'est Ah oui, tellement le fun pour eux autres. incroyable encore, là, ouais. T'sais. Fait que ça, OK. Fait que Xbox, on parlait des titres là-dessus. Y a-tu quelque chose qui t'a marqué? T'es pas genre Halo ou quelque chose comme ça? Non, moi j'ai passé complètement à Halo parce que ben, Halo, le premier, était sorti sur la première Xbox. Puis je pense qu'il avait sorti Halo 2 à la sortie de la 360, mais là, ça fait longtemps. Halo 2, c'est un titre de la première Ouais. Xbox aussi. La première aussi, en tout Ouais, cas, bref. c'est Mais Halo moi, non, 3. je suis pas. Puis, je veux dire, je vais me mettre encore du monde à dos. Halo m'attire pas. Ben, c'est correct. Ouais. Comme je disais, on Ben, peut pas tout ça. aimer, là. Non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est pas un argument de vente pour moi d'acheter une 360 pour Halo. Puis même les Gears of War, j'ai pas touché non plus. OK. Moi, dans l'acronyme GOW, je préfère God of War à Gears of War. Oui. Faut faire attention quand tu tweets là-dessus parce qu'à un moment donné, ça, je faisais la critique de Gears of War 3 sur CGUAP, puis je l'ai marqué sur Twitter ce mois-ci. On parle de GOW3, puis C'est il ça. y en a un qui m'a dit, ouais, mais c'est vieux ça. Je dis, non, Gears of War 3. Ouais, c'est ça, faut spécifier, là, c'est ça. Fait que moi, dans ma tête, quand je vois l'acronyme, j'ai God of War dans la tête. Fait Ouais, que. non, oui. C'est moi aussi quand je jouais GOW, j'ai plus God of War que Gears C'est of ça. War, mais faut savoir que ça peut être n'importe quel des deux. Ouais. Ben, quelqu'un m'a déjà dit, par exemple, sur Twitter, j'avais posé la question à un moment donné, puis pour Gears of War, faut mettre GEOW. Et là, on va faire la distinction entre les deux. Ah, ok. Ah, ok. Fin de la parenthèse. Ok, je dois pas être assez au courant des petites subtilités dans ce coin-là, parce que je l'avais pas vu. Ouais, puis même rendu là, je sais pas si tout le monde va le capter aussi. C'est ça, on verra. Fait que ça à 360, il n'y a rien nécessairement qui te marque. C'est plus des jeux qui sont autant sur une console que sur l'autre, puis tu fais Ouais, juste c'est ça. décider sur Je quoi tu fais juste l'achètes. décider, c'est ça, dépendamment de ce qui est disponible ou dépendamment justement quand je fais certaines évaluations, ça peut arriver des fois qu'on m'en envoie. Fait que là, ça dépend de laquelle console qui décide de m'en envoyer. Ouais. Mais j'ai pas de préférence une ou l'autre. Y a des fous. Je préfère la manette de la 360 à celle de la PlayStation 3. OK. Question confort, mais même là, je me rends compte que même si je dis ça, une fois que je joue à un jeu, je me rends pas compte pantoute. Je veux dire, je suis capable de jouer avec les deux consoles, les deux manettes, puis j'ai aucun problème. OK. Puis je veux dire, Mais je me tanne pas de jouer avec ma manette de PlayStation 3. Je veux dire, je la trouve aussi bien. Je veux dire, je suis autant capable de jouer avec que l'autre. Fait que. ouais, mais la manette d'Xbox aussi, je trouve juste qu'elle se prend mieux en main, elle est plus grosse, elle est plus, Oui, puis en je dessous, trouve elle est qu'elle est plus plus ronde confortable. aussi. Je veux Ouais. dire, je vais plier mes doigts de façon plus rondement sur les poignées, dans le fond, en dessous. Ouais, elle est un petit peu plus confortable. Ouais, mais sinon, je veux dire, les deux sont capables, ils font la job pareil. Puis Oh oui. je chiale pas sur une plus que sur l'autre. Non, non. C'est deux excellentes consoles. C'est juste qu'il y a des camps, il y a des camps Sony, il y a des camps Microsoft, puis il y a du monde comme nous autres qui aiment les deux consoles parce que les deux consoles sont excellentes. C'est que Oui, c'est c'est ça. Puis souvent, quand les gens décident d'acheter une console ou l'autre, c'est souvent par rapport à, j'imagine, leurs amis parce qu'ils jouent en ligne. ouais. Moi, je suis vraiment plus une joueuse solo, fait que c'est même pas un argument pour moi, un ou l'autre. C'est vraiment plus pour les exclusivités et ce que les consoles offrent. Fait que c'est pour ça qu'au début, j'étais allée plus vers PlayStation 3 versus 360. Mais là, en ayant les deux, je suis juste plus heureuse, là. C'est Fait ça. Ouais, ça donne plus de choix. que... Oui, c'est ça. C'est ça. Là, t'as aussi acheté dernièrement une Vita. Oui, Est-ce la que tu Vita. l'aimes, ta Vita? Oh oui, je l'aime, ma Vita. Okay. T'es-tu un peu déçu de l'offre de Sony ou pour toi, pour tout de suite, c'est Non. correct, faut lui donner du temps, puis ils vont s'adapter ou. Ben moi non, pour l'instant, je suis quand même contente parce que j'ai quand même une dizaine de jeux. Tu sais, si je compte les jeux physiques et les jeux téléchargeables, parce que quand même au niveau téléchargeable, on est quand même assez gâtés. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont offerts. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime prendre mon temps dans les jeux. Fait que je les ai pas. Il y a pas beaucoup de jeux que j'ai encore terminés. Fait que même si il y a pas de grosses sorties actuellement, ça m'empêche pas de jouer à ce que je possède déjà. Fait que je veux dire, pour moi, c'est pas grave. Je veux dire, il y en aura un autre à un moment donné, dans 2, 3 mois, puis ça va être bien correct. J'ai pas essayé encore Resistance qui est sorti cette semaine. Qui est pas supposément pas tellement bon selon C'est les critiques ça, que j'ai vues. c'est ça, il y a certaines critiques qui disaient qu'il était pas super. Là, je le sais que justement un de mes amis, Jean-François pour Geekbécois, qui est en train de faire la critique pour Geekbécois, Jean-François Bourré, sur Resistance. Fait que ça, moi, je l'attends avec impatience, ses impressions là-dessus, pour savoir ce qu'il en pense. Mais même lui, il est encore un peu, il est un peu fragile. Tu sais, je sais pas trop, on sait pas vers quoi ça va s'enligner encore. Mais il commençait à jouer. Fait que c'est sûr que des fois, il y a certains jeux où il faut vraiment prendre notre temps. Non, parce que Je j'ai me suis vu. rendu compte de ça à force de faire des critiques, là. Souvent, les premières impressions, des fois, ça donne une bonne idée du jeu, mais des fois, il faut être patient, puis des fois, il faut se rendre plus loin pour avoir une certaine révélation ou vraiment s'investir plus pour dire, ah, finalement, il est fun, là, tu sais. OK. Au début, il commençait lentement, mais à un moment donné, tu sais, des fois, dans l'histoire, tu sais, des fois, il y a une twist qui arrive, puis qui change tout au complet, puis que, oh, wow, tu sais. OK. On Ça arrive. verra, on verra ce que ça va donner. Ouais, des fois ça arrive, mais ça dépend du type de jeu. Si ça, c'est vraiment un jeu d'action, de shooter, de first person, ben là, c'est rare qu'il y aurait vraiment de situation dans l'action qui va faire qu'il passe de ordinaire à merveilleux, là. Ouais. D'habitude, puis ça dépend de la mécanique de jeu et tout ça. Mais la console, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers. Je l'utilise quand même pas mal. J'ai pas mal de jeux dessus. J'ai pas essayé encore. Tu sais, il n'y a pas tous les jeux encore qui utilisent toutes les fonctionnalités de la console, mais c'est pas grave. Ça, c'est normal. Au début, c'est toujours comme ça. Puis de toute façon, de vouloir tout essayer, tu sais, comme trop, c'est comme pas assez, là. Tu sais, je me souviens qu'il y en avait un jeu au début. Je pense que c'était quoi, non? Dungeon Hunter qui avait essayé justement de tout prendre les possibilités de la console, puis c'était juste trop, là, tu sais, ça marchait plus. Je veux dire, on n'avait plus assez de nos 10 doigts pour jouer, puis c'était comme pas le fun, là. Ok. Ouais, parce que le mettre juste pour le mettre, c'est pas nécessairement intéressant non plus. Faut Non, que ça ait c'est. un but, là. Mais il y a d'autres jeux, par exemple, comme Mutant Blobs Attack, que j'avais essayé sur la Vita, qui utilisait quand même, je te dirais, 95% des possibilités de la console, mais à des endroits précis, parce que c'est un jeu de plateforme, un peu comme Rayman, un peu comme Mario. Ok. Fait que c'est vraiment à des endroits précis pour déclencher certaines actions qui utilisaient une fonctionnalité X de la console, que ce soit tactile ou mécanique, avec les boutons. Puis là, ça se faisait bien, parce que c'était pas tout le temps ça, tout le temps, tu sais, à toutes les 3 secondes. Ok. Ben, c'est ça. C'est de savoir doser à un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, Game Loft, ça me surprend plus ou moins d'eux autres. C'est comme, c'est la compagnie qui aime copier ce que les autres font, mais le faire à leur, un petit peu à leur sauce à eux autres, là. Fait que c'est un peu spécial, là. Surtout que quand tu parles de Dungeon Hunter, c'est un jeu à quoi, 4$ sur iOS, puis à 20 quelques piastres sur PS Vita. Ouais, là, c'est sûr qu'ils ont été un peu critiqués beaucoup face à ça, évidemment, là. Mais je pense que c'est un jeu Vita qui probablement va baisser de prix aussi à un moment donné. Assez Tu sais, rapidement. au début, ça sortait, fait que c'est certain que les prix sont normaux, là, sont Bon, ordinaires, là, mais tu ouais. sais, je veux dire, au fil du temps, ça finit tout le temps par baisser pour certains jeux. Mais je te dirais que tu sais, jouer à ma Vita versus mon iPod Touch, je vais dire que mon iPod Touch, il en a mangé une méchante claque, Ouais. Tu veux dire une méchante claque dans le là. Ouais. sens où tu as Dans arrêté le sens que je joue d'utiliser? moins avec. OK. Ouais, c'est ça. Je joue encore à certains jeux avec. Il y a certains jeux que j'essaie, que je trouve le fun, que je trouve intéressant, mais je veux dire, des jeux qui sont plus élaborés, qui requièrent des boutons physiques, c'est tellement plus confortable sur une Vita que sur un iPod. Ok. Fait que là, c'est ça ma prochaine question que je t'ai pour te demander, vu que t'as la Vita, c'était ça, mais tu viens peut-être d'y répondre en même temps. Je t'ai pour te demander, penses-tu que la PS Vita puis la 3DS, c'est, ou peut-être moins pour la Nintendo, mais que la PS Vita, ça serait le dernier essai de Sony dans le monde de la console portable? Le dernier essai. Ouais, ça veut dire, ben, tu sais, la PSP, ça a pas été un super grand succès. La PSP Go, ça a floppé. Là, ils sortent avec la Vita. Les ventes sont pas ce qu'ils pensaient que ça serait. Ils auraient pensé que ça se vendrait plus. Penses-tu que c'est la dernière console portable que Sony ferait? Ou si tu penses qu'ils vont en avoir d'autres, puis ça va continuer? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, ben, les iPads, les iPod Touch, c'est en train de remplacer les consoles. Mais toi, tu me dis que t'es plus confortable à jouer sur ta Vita, fait que c'est peut-être pas vrai pour les vrais gamers. Ben ouais, ben ça dépend de l'offre des jeux. C'est sûr que moi je préfère ma Vita à mon iPod Touch pour jouer parce que c'est, tu sais, la Vita a été bâtie Ouais. pour être capable de jouer. C'est une console de jeu. L'iPod Touch, le jeu, c'est juste des applications qui sont venues graisser tout ce que l'iPod Touch était capable de faire. Genre iPod à la base, c'est un lecteur de musique. Exactement. C'est juste que là, après ça, ils ont inclus des applications, ils l'ont mis tactile. Fait que là, les compagnies de jeux, ils ont comme utilisé ça pour dire, OK, regarde, on peut faire des jeux tactiles. T'sais, fait que c'est beaucoup des jeux passe-temps qui sont sur iPod, qui sont intéressants. Des jeux de casse-tête, des jeux, t'sais, des petits jeux qu'on peut jouer en 2 minutes sur une file d'attente ou quelque chose Ouais. comme ça. Ça, c'est excellent pour l'iPod. Pour la Vita, c'est des jeux qui vont demander un plus grand investissement de temps. C'est des jeux à plus grand déploiement aussi, parce que c'est une mini console de jeu. Fait qu'à ce niveau-là, moi, je pense qu'ils ont chacun leur niche. Là, ça dépend après ça des gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est des compléments. Là, je pense pas qu'un va remplacer l'autre, parce que les gens qui préfèrent jouer au iPod Touch, dans ma tête, c'est juste des joueurs occasionnels de toute façon. Et c'est pas un joueur occasionnel qui va acheter une Vita. OK. Non, c'est beau. C'est une bonne réponse. Parce qu'on Voilà. se demande souvent, la question est lancée souvent, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les ventes des consoles portables sont plus ce qu'ils étaient, parce que même Nintendo, la 3DS se vend correct, mais c'est pas les ventes qu'ils pensaient. C'est la même chose pour la Vita, fait qu'on dirait que les gens s'en vont vers d'autres choses. Mais il y a tellement d'offres aujourd'hui aussi que... Et j'ajouterais que ma PS Vita, je peux y jouer au chalet. Oh, c'est un fait. C'est ça qui est le fun. Tu peux traîner où ce que tu veux. C'est ça, même au chalet. Fait qu'on va passer à la... C'est le dernier droit. Il me reste juste une couple de questions à te poser. Fait que ton jeu... Je m'en allais te demander ton jeu favori à vie, mais tu m'as répondu tantôt. Tu vas me dire que c'est Batman Arkham City. Ton Ouais. pire jeu que t'as jamais joué, c'est quoi? À vie, c'est dur parce que, je veux dire, ça fait longtemps, mais je vais dire une de mes grandes déceptions de 2011, ben même début 2012, ça avait été le jeu Amy sur version téléchargeable sur 360 et sur PlayStation 3. OK. Et c'est le jeu auquel je parlais tantôt quand je disais qu'à la balado légendaire, je pense que j'avais fait une critique de 25 minutes, puis Max, il dit « Colin, OK, on a compris que tu l'aimes pas, ce jeu-là, puis qu'il est poche, là, tu peux arrêter de parler. » Passons à d'autres choses. Ça me dit rien, ce jeu-là, je n'ai pas entendu parler pantoute. C'est quoi, Amy? C'est pas quoi? Grave. C'était-tu le jeu où ce que tu étais un personnage, puis Amy, c'était la petite fille qu'il fallait que tu sauves, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, le jeu, en gros, l'histoire, c'est que Amy, c'est une petite fille. Nous OK. autres, on joue un genre de tuteur qui doit l'amener parce que la petite fille a des problèmes psychologiques. Je sais pas si elle est autiste ou quelque chose comme ça. Il en parle pas vraiment dans le jeu, mais moi, j'ai comme supposé ça par rapport à la façon qu'elle réagissait. Et parce qu'elle parle pas non plus, puis elle a certaines facultés, est capable de résoudre, de passer au travers des systèmes informatiques en faisant la programmation, là, t'sais, un peu comme Rain Man. OK, Dans... OK, OK. OK, ouais, il me semble que j'avais entendu ta critique sur l'épée, justement, de ça, puis... Ouais, qui dure 25 minutes. OK, fait que c'est ton pire jeu à vie, ça serait ben, ouais, à vie, mettons, récent, dans les dernières là. Années, là, OK. C'est... que je me souviens parce que, ben, en fait, c'est parce que je fondais un peu d'espoir sur le jeu parce que j'avais justement entendu les rumeurs comme quoi le jeu était pas très bon. Et moi, des fois, je suis un peu maniaque et un peu sado, je pourrais dire. Je dis, ah, je vais l'essayer pareil. D'un coup, qui est pas si pire finalement, tu sais. Puis finalement, t'avais raison. C'est ça. T'avais raison que t'allais être déçu. Ouais, puis un autre aussi, l'année passée que j'avais essayé, c'était un jeu sur Steam. Ça s'appelait Death and the Fly. OK. La mort et la mouche. OK. Faucheuse et la mouche en français, mais en tout cas, il est en anglais. Puis ça, c'était... Puis ça, j'étais vraiment déçue parce que c'est un jeu visuellement qui faisait très gothique. C'est un jeu d'une compagnie indépendante que je voulais essayer parce que c'est comme un jeu de plateforme aussi. Il faut vraiment... C'est des tableaux à terminer. Puis on joue les deux personnages, que ce soit la faucheuse et la mouche. Puis il faut résoudre, t'sais, selon le personnage qu'on décide d'utiliser pour être capable de passer par certains endroits, il y en a un qui va être, ça va être la mouche qui est capable, l'autre, ça va être la faucheuse. Okay. Puis il faut se rendre à la fin des tableaux puis rendre les deux personnages à la fin pour à la porte de sortie. Puis j'y arrivais pas, j'étais pas capable. Et c'est, moi, j'étais déçue, puis je me suis vraiment acharnée. J'ai recommencé 3-4 fois le jeu. J'ai comme désinstallé et réinstallé parce que selon ce que tu décidais, ça avait une incidence sur la suite du jeu. OK. Mais ce que je décidais, c'est par rapport aux potions, mettons, que j'utilise, aux pouvoirs que je donne à un des personnages pour être capable de passer à travers un mur, par exemple, ou de donner de la vie ou quelque chose, peu importe. C'est comme dans un magasin, là, que tu achètes des habiletés. Puis, tu peux pas les enlever, tu peux pas les défaire. Puis, une fois que tu les as achetées, tu n'as comme plus assez d'argent pour acheter d'autres affaires pour réussir. Fait que je réussissais même pas à finir le premier tableau parce que je prenais pas les bonnes décisions, probablement, ou je pensais avoir pris les bonnes décisions. Fait que j'ai essayé comme 4-5 fois. Puis, je trouvais ça vraiment plate. Puis j'avais fait une mauvaise critique là-dessus, mais c'est parce que j'avais l'impression que le jeu était comme brisé. Le jeu était vraiment mauvais, puis je voulais l'aimer. Il était beau, puis je trouvais ça plate parce que c'est une compagnie indépendante. Puis tu sais, on veut les encourager, puis on veut qu'ils fassent un bon produit. Mm-hmm. Puis là, le produit était vraiment pas super bon. Des fois, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Tu peux rien faire, Florent. Regarde, comme les deux bras m'ont tombé, je suis comme, j'ai essayé, là, puis c'est Colin. Puis j'ai recommencé, puis je l'ai désinstallé, le jeu, pour le reprendre, parce que là, je voulais recommencer à neuf, puis essayer d'autres affaires, justement, pour essayer de réussir au moins à passer le premier tableau. Là. Mm-hmm. Puis vraiment, là, je m'étais vraiment acharnée, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis finalement, j'ai donné une mauvaise critique, parce que, regarde, je veux dire, le jeu, il est ce qu'il est, finalement. Là. C'est ça. Puis moi, je suis vraiment une grande amatrice de l'émission Reviews on the Run, l'émission de Vancouver, sur les critiques de jeux. Okay. Puis des fois, je trouve ça le fun d'avoir des fois un avis différent justement d'un autre critique qui essaye les mêmes jeux que nous autres. Puis avec ce jeu-là, Death and the Fly, il y a les gars qui l'avaient essayé, puis ils donnaient les mêmes arguments que moi. Puis colline que c'est le fun pour un critique, ça, quand t'écoutes quelqu'un d'autre et qui donne les mêmes raisons au même jeu que toi, je veux dire, OK, finalement, j'étais pas dans le champ. C'était pas moi Pas tout seul. qui était pas bonne puis qui était pas capable de passer au travers le jeu. Même eux autres, ils étaient pas capables. Ça veut dire que c'est le jeu qui a un problème, finalement. Ouais, c'est vrai. Parce Ça que des fois, confirme. tu sais, quand tu essayes un jeu puis tu n'y arrives pas puis c'est dur puis tout ça, tu te demandes si c'est juste toi qui es poche ou si c'est le jeu qui est mal fait, t'sais. OK. Fait que c'est comme la confirmation que c'était le jeu qui était mal fait, malheureusement. Bon, c'est bon au moins. C'est ça. Ça confirme que c'était pas parce que t'avais juste une mauvaise journée ou que c'est juste le jeu que tu comprenais pas la mécanique. C'est le Ouais, jeu est ben tu sais, brisé, le jeu est brisé. parce que des fois, tu te poses la question, je sais pas. Ouais. Puis d'écouter ou de lire d'autres critiques, des fois, même sur n'importe quel autre jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime ça écouter l'argumentaire des autres critiques, savoir pourquoi, tu sais, les raisons pour lesquelles, les bons points, les mauvais points, qu'est-ce qu'ils pensent de ce jeu-là. Puis je trouve tout le temps ça le fun, des fois, de relire après que j'ai fait la mienne, dire on a raison, c'est même point, c'est cool. Ouais, mais souvent ça va se rapprocher un peu, là. À part si tu lis IGN, qu'eux autres donnent des 9 sur 10 à toutes, là, Ah non, mais Reviews of the Run, ça, c'est vraiment une référence pour moi. Moi, je les adore, là. Ah, C'est je vraiment connais. excellente. C'est comme la. Tu sais, c'est quasiment. Nous autres, au Québec, on a Monsieur Net. Ben, le Ouais. Canada et les États-Unis ont Reviews on the Run. C'est en anglais, mais c'est des critiques de jeux. OK. Ils essaient tout. Puis, c'est vraiment intéressant, vraiment. Si les gens connaissent pas ça, puis qui parlent anglais, moi, je le recommande fortement, cette initiative. Tu sais, je connaissais pas ça, fait que je vais aller voir ça. Ah, tu vas triper. Bon. Fait que merci Mélanie. Mais ça m'a fait plaisir. On est arrivé à la fin. Merci de m'avoir accordé ce 2 heures. Merci. Si les gens veulent te rejoindre, je sais que tu es sur l'épée légendaire. Oui. Tu es sur Twitter aussi, les gens peuvent te parler là. Oui, sur Mel B. Chartier sur Twitter. OK. Puis j'ai ma page aussi Facebook, Mel B. Chartier. C'est que c'est ma page de chroniqueur, en fait, étant donné que j'écris sur T'sais, quelques publications différentes. Je me suis dit que j'allais me faire une page pour tout regrouper les liens de toutes pour t'sais, que ce soit pas seulement sur l'épée non plus. Fait que les gens peuvent me rejoindre là. OK. Puis Fait que je c'est ça. t'écouter sur le podcast de l'Épée légendaire qui est à toutes Oui, les semaines. toutes les semaines. Maintenant, on est rendu jusqu'à preuve du contraire le dimanche soir en direct, des alentours de 8h, 8h30. Vous autres, vous êtes sur Sur Ustream. Ustream. OK. Fait que juste aller sur épéelegendaire.com, puis vous allez pouvoir avoir le lien pour les écouter live le dimanche soir. Oui, le lien est toujours direct. Ou même les gens qui nous suivent sur Twitter, on met le lien régulièrement aussi le dimanche dans la journée ou au début de la soirée pour pouvoir cliquer directement vers la balado. Parfait. Fait que allez écouter ça, c'est une excellente balado. Ben, je te remercie beaucoup, Luc. C'est Ben super merci d'avoir gentil. accepté. Ça a été super le fun. Puis nous autres, on va se rejaser sur Twitter de temps en temps. Oui, sans problème. Merci, Et Mélanie. on est supposé de se donner rendez-vous pour jouer à Ghost aussi. Ouais, on va s'arranger une bonne journée. Là, on va se donner une petite un heure de rendez-vous, puis on va essayer d'aller tuer des méchants dans Ghost Recon. Oh yeah! OK. Merci, Mélanie. Salut! Bye, à la prochaine.